mets des trucs dans les fesses? Non, je vais pas jusque là quand même. Ça, c'est quelque chose. Ah, c'est voilà, quoi, c'est quoi les ustensiles? Paire de menottes, il y a les liens qu'on trouve aussi pour s'attacher, c'est du ruban un peu adhésif. D'accord. Voilà, cravache, oui. Oui, quand même, oui. Tu donnes des coups un peu. À part oui, ça, t'es pas essayé, bien temps, sûr hein. Que si, oui. Ouais, tentez, pas tout le temps. Bon, mais attends, coup, voilà. Non, mais tu donnes des coups pour faire mal ou tu donnes des coups juste voilà, pour. Non, pour stimuler. Pour stimuler, d'accord. Okay. Ouais, voilà. Non, c'est non, pas dit... pour faire mal. Non, bah non, il faut quand même que ça reste du plaisir. Ah oui, bien sûr. Mais tu sais que dans le SM, les gens prennent du plaisir avec la douleur. C'est subtil. Oui, mais après, pour que le personnel soit d'accord. Bien sûr. Il n'est pas forcément tout le temps d'accord. Mon copain, en tout cas, n'est pas d'accord, lui. Ah d'accord, c'est marrant parce qu'ils ont toujours l'art dans le SM de contourner les choses, de pas dire les choses en face. Oui d'accord, si l'autre est d'accord, bah non, si l'autre est d'accord, tu lui fais pas mal quand même, parce que c'est ça, tu sais très bien, enfin peut-être que tu ne l'as jamais fait, tant mieux pour toi, mais que dans ces cas-là, où on fait très mal à l'autre, ça se termine toujours mal, voilà. Oui, bah ouais. Et ça concerne très peu de gens, le vrai SM, 2000 personnes peut-être en France et tout. Bien sûr, mais là tu parles du SM hardcore. Mais quoi. Bah enfin, oui. Non, parce que moi je connais plein de potes et tout machin qui aiment bien se faire attacher de temps en temps et c'est pas du SM quoi, tu vois, c'est juste mais un petit kiff. Du quoi. SM, c'est juste attaché. Kassim par exemple, lui il a sa paire de menottes, hein, je peux ouais, te le dire. Grave, je m'amuse bien. Il s'attache tout seul le mec. Ouais. Il va rentrer à la maison. Je fais l'amour avec le barreau de son lit. Ouais, et après je me frotte au mur là, j'adore ça, oui. Et je suis attaché. Après j'ai Caroline, j'en connais un qui va falloir dominer, c'est Kassim le producteur. Ah oui, domine-moi Caroline. Pas de problème. Je vais te faire, il y a aucun souci. Je vais te le Je vais te le passer en antenne quand même, hein, parce que tu peux nous en débarrasser, ce serait pas mal. C'est pas du luxe. Gros bisous Caroline. Oui, est-ce que je pourrais avoir un paquet Un paquet cadeau. Oui, envoie mon paquet. Oui, on va t'envoyer un gros paquet de Kassim. Salut Macaro, et je remercie Maël, notre auditeur du soir. Maël qui est passionné de radio et de jeux vidéo, ça te plairait d'avoir un petit cadeau ce soir, Maël? Ouais. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, un petit jeu vidéo? Un petit jeu vidéo. Allez, je vais t'envoyer un petit jeu vidéo, d'accord? No Man's Sky, ça te plaît? Ouais, en tout cas, je vous aime, les petits. Eh ben, nous aussi, merci beaucoup, Maëlle, d'avoir été avec nous ce soir. C'est si super bien passé, je te fais une grosse bise. Tu fais de la radio ou pas, un petit peu, Maëlle? Bah écoute, je fais des vidéos sur YouTube. D'accord, c'est quoi ta chaîne? Alors, c'est Mammouth du 95. Mammouth, va peut-être penser à renommer ta chaîne. Enfin, je sais pas encore, c'est assez original, Mammouth. Pourquoi pas? Non, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai une amie que je connais depuis la première. On a eu un délire un peu chelou. Ouais. Donc en gros, on devait tout. Non, mais c'est la fin de l'émission là en fait. Hein. Mais non, mais attends, on coupe pas. Kassim, pas la parole aux auditeurs, c'est bon, on est pas aux pièces. Les filles, moi, je m'en fous, ça va, elles sont cool. Elles vont laisser parler Maëlle. Ferme ta gueule. Oui, Maëlle. Et en fait, comme mon prénom et mon nom de famille du coup bah, commence par M, on avait trouvé le thème animal et elle m'a trouvé Mammouth. Et voilà. Et c'est l'histoire de ta chaîne YouTube. Tout ça pour ça, quoi. Et ben, bah, moi, je te remercie, Maëlle. Amuse-toi bien. On ira faire un tour sur ta chaîne YouTube. Merci à vous, l'équipe. Je vous aime et continuer comme ça. Et ben, on va tâcher. Merci beaucoup, Maëlle. À bientôt. Est-ce que je peux vous poser une question? Ouais, vas-y. Non, c'est trop long, là. Vas-y. Est-ce qu'il y aurait moyen que je puisse vous passer, vous voir pour vous faire un coucou? Sans problème. Tu viens, tu vas gérer ça avec Guillaume au standard. D'accord? Et tu pourras. Nickel. Vous pouvez venir assister aux émissions, hein. Il n'y a pas de souci ici à Fun Radio, hein. C'est un petit peu porte ouverte, hein. Oui. Rendez-vous dès demain sur Fun Radio à partir de 20h tous les soirs, 20h, 22h, Love in Fun, 22h minuit. Vous allez entendre Marion et Anso. Salut. C'est le Night Show. Bonsoir, salut, les filles. Salut. Ah, quel beau programme ce soir. Ah, oui, toujours. Boosty. Il y a un invité en plus ce soir. Oh, ouais, oui, monsieur. C'est ça, c'est Boosty. Boosty, j'aime beaucoup. Bah, moi aussi, ça tombe bien. Bah, ouais, carrément. Et t'as un petit problème à la voix? Bah, ouais, mais j'arrête pas de perdre ma voix en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Ouais, ça, c'est bizarre. Karel, il est malade aussi. Eh putain, je pense qu'il y a un lien direct. Et alors, c'est vrai qu'on sait pas ce qui se passe. Je leur ai dit pourtant que les microbes, ça se passait en s'embrassant, en se roulant des pelles. Bah, oui, mais bien sûr. Je leur avais dit. Pourtant, on s'embrasse pas, nous, avec Karel, mais. Non, on se met des doigts. Oh, allez, à demain, tout le monde. Ouais. Salut. Salut, c'est le Night Show sur Fun Radio. Bonjour, je suis Olivier du Night Show. Vous passez une soirée ennuyeuse? Si cette soirée se trouve entre dimanche et jeudi, on injecte dans votre radio notre résine spéciale faite à base de Marion et Anso. Et bim, votre soirée est sauvée de 22h à minuit. Et en plus, vous n'avez rien à payer. C'est ça le Night Show sur Fun Radio. En prime, on vous offre un pack tout amour d'une valeur de 85 centimes d'euros. Faut pas rater ça. C'est le Night Show sur Fun Radio. Tous les soirs, 22h minuit. Welcome to the Night Show. Marion. Et Anso. Et Anso. The Night Show. The Night Show. Sur Fun Radio. Mais bonsoir à vous tous et bienvenue dans le Night Show. On est trop contents de vous retrouver ce soir le 28 septembre, il est 22h03 et on est parti pour 2 heures ensemble en direct avec une grosse soirée ce soir. Mais d'abord, je ne la présente plus, elle est formidable, elle est brune, elle sent bon, elle a la peau douce. Bonsoir Marion. Ah, la peau douce, tu me l'avais jamais faite, merci. Oui, mais parce que tu m'as fait toucher tes jambes tout à l'heure et t'as la peau particulièrement douce. Eh ben, je te remercie puisque j'en suis particulièrement fière. Ça va Anso? Ça va très bien, merci. Et il faut que tu préserves cette jolie voix. Hein. Oui, mais ça va, on me reconnaît quand même. Oui. Bon. On te reconnaît, mais en plus, on va en avoir besoin de ta voix, puisque je vous dis pas tout maintenant, les amis. Ouais. Mais comment vous résumez la journée d'aujourd'hui sans trop en dévoiler? On prépare une émission dimanche soir, le 2 octobre. Une émission de ouf. Une émission, j'ai envie de dire, du jamais vu. Une émission où vraiment on va s'éclater et à la fois flipper. Je vous en dis pas plus, on vous annoncera le thème de cette émission demain soir. C'est vrai qu'une émission naturiste, on n'a jamais vu ça. Non, ça va vraiment être énorme. Soyez là dimanche, soyez là demain avec Alex Ayono. Et surtout, soyez là ce soir, puisque notre invité, eh ben, c'est Boosty, les gars. Alors, Boosty, on lui a réservé évidemment des jeux. Il va faire le Pourquoi tu m'appelles. On a une petite surprise pour lui. On a préparé des raps. Voilà, je le dis, je balance au dos. Ouais, et c'est terrible parce que ça pue le licenciement, hein, cette histoire. C'est tellement ridicule, mais je pense qu'il va kiffer. Il sera notre invité d'ici une petite demi-heure. On aura aussi tout à l'heure Zach. Alors Zach, vous le connaissez pas, mais c'est un héros. Il a sauvé la vie de quelqu'un. Donc si vous aussi, vous avez sauvé la vie de quelqu'un, si vous êtes un héros, 01 42 48 5000, c'est le thème de ce soir dans le Night Show. Ouais, gloire aux héros, quoi. Tout à fait. Et puis on va écouter ce soir Maître Gims avec Joule. Toute la nuit, j'ai rôdé dans Paris. Ça, c'est le gros kiff de avec Marion, mon babeur. Bah oui, je l'aime. Et puis on écoutera aussi Mike Perry, j'adore. Le son smooth du soir. Oh là là, j'adore. Mike, viens nous voir, quoi, mince. Écris-moi une chanson et fais-moi des enfants. Bonsoir, Amir des réseaux sociaux. Salut les filles. Tu vas bien? Ouais. Et bon. Tu sais que Amir a la peau extrêmement douce aussi. Il me faisait toucher sa peau avant de prendre l'antenne. Qu'est-ce qui se passe derrière cette équipe? Il a un peu plus de poils quand même. Non, il a pas de poils sur le derrière des bras. Ouais. Non mais bah, j'ai pas de poils tout court même sur le corps en général. Attends, excuse-moi, d'où t'as touché son arrière de bras? C'est bizarre. Alors Enzo du standard était en train de me caresser le bras. Je lui ai dit t'arrêtes, tu me saoules. Et il m'a dit t'as la peau douce. Du coup Enzo avait le regard curieux. Et du coup il est venu, il m'a tendu son bras. D'accord. Et puis du coup elle s'est rendue compte qu'effectivement j'avais la peau douce. Ouais. Ouais, bah c'est bien intéressant tout ça les gars. De merde. Ouais, ça peut changer. Enfin, Non mais on peut pas ouvrir une émission en parlant de la peau douce, je suis désolée. Hein. Je suis connectée sur les réseaux sociaux, Marion Enzo partout, salut. C'est bien Amir, bonsoir Thibault Larrea. Coucou les filles. Oh là là, il a fait péter la marinière aujourd'hui. Alors c'est pas trop ça, hein, on va être honnête. Franchement, t'es sans respect, ça. C'est mon t-shirt préféré. Écoute, je trouve que ça fait un peu, je vais faire du bateau, mais je sais pas très bien pêcher quoi. Je vous ramène combien de douzaines d'huîtres là? Non, alors c'est vrai que c'est pas ce qui te va le mieux, mais merci. C'est quand même mignon. Et mais... ben, en tout cas, je suis super à l'aise dedans. T'es toujours beau gosse quoi qu'il arrive, je te le dis. Bon bah c'est gentil, merci. T'es un beurre. Salut Enzo. Salut les filles. Bon, ça va, le standard est prêt? Bah oui, on vous donne de l'amour au 01 42 48 5000 avec Yannick, donc appelez-nous. Allez les gars, présentez-nous le ou la première auditrice du soir, s'il vous plaît. Alors c'est Julien, il habite à Marseille et il s'est fait arnaquer sur FB. Il a besoin d'aide. Sur FB. Ouais. Sur Facebook. Bonsoir Julien de Marseille. Salut les filles, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là! Voilà, je passe en premier sur la radio là. Eh bah ouais, bienvenue. T'es le premier, tu vas marquer l'histoire du Night Show ce soir. Voilà, c'est ça. Alors dis-nous, c'est quoi cette arnaque, Julien? Bon, je vais tout vous raconter, hein, c'est un peu long. Bon, bref, ça commence, tu vois, sur FB, un truc comme ça. Et il y avait un truc pour gagner un iPhone 6, je sais plus, il se faisait passer pour quelqu'un. Ouais. Bref, tu vois, moi j'ai écrit tout ça. D'accord. Et fallait appeler un numéro pour se dire un tirage au sort. Alors attends, Michel, juste c'était une page de l'émission? Ouais. Ah ouais, sur ton nom, sur Marion. Ah oui, non mais alors oui, je sais, il y a beaucoup de pages fake à mon nom et au nom de l'émission. Je suis vraiment désolée pour ça, je m'en excuse, il faut faire super attention. Évidemment, c'est pas vrai, c'était une grosse arnaque. Du coup, t'as donné combien d'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, en fait, moi, du coup, j'ai rien donné. Ah bah ça va. Parce qu'en fait, il m'a dit d'appeler le numéro, du coup, je suis partie sur Google, j'ai mis le numéro. Ouais. Là, j'ai vu grosse arnaque tout ça, sauf qu'avant, j'avais fait quoi? Je vais dire à mes potes, moi, je suis donné l'iPhone 6, je sors ça dans une semaine. Ah, d'accord. Et donc maintenant, tu vas être le bolos qui a menti. Voilà, maintenant, je suis dans la merde, tu vois. Je sais pas comment leur dire que je n'ai pas gagné, que j'étais en train de faire arnaquer. Julien, on l'a dit partout que c'était des arnaques. Comment t'as pu passer à côté, bichon? Non, mais t'as vu, il m'avait pas encore dit d'appeler tout ça. Du coup, moi, je suis dit, bah, surtout, c'est après Marion. Surtout, Julien, même vis-à-vis de tes potes, faut que tu leur dises la vérité. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Tu vas pas inventer un truc? Ouais, alors, ce que tu peux faire, tu peux leur dire. Les gars, je me suis fait arnaquer, j'ai pas d'iPhone 6. Par contre, j'ai eu un pack fun, les gars. Et ouais, et en plus, je suis passé en premier auditeur du 28 septembre 2016. Voilà. Et ouais. Tu vois, ça, c'est pas mal. Ou alors, Julien, t'as une autre technique, tu dis que tu le reçois, puis tu le reçois jamais. Oui, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Ouais, là, je suis passé pour le gros mytho. Bah non, mais tu dis, t'as pas le choix. Pas, mais... Je relance. Et tes potes, ils vont rien dire. Hein. T'es pour rien, tu vois, t'as rien fait. Ouais. Non, mais ça va, Julien. Franchement, il y a plus grave. En vrai. Dis-toi qu'il y a des auditeurs qui sont arnaqués de 200-300 balles, quoi. Au moins, toi, t'as échappé à ça, quoi. Ouais, ça va. Hein, ok, bon. Bichon, on t'envoie un pack fun déjà. Et si tu veux, nous, qu'on appelle tes potes ou qu'on t'aide, y a pas de souci, on est là, d'accord? Ouais, vas-y, ils vont rigoler si tu les appelles. Bah, vas-y, tu nous files le numéro, là, tu donnes ça à Yannick au standard et on essaiera de trouver un moment. Aucune galère. Bah, ça va, bah, je te dirai. Et puis, on t'envoie une photo d'un iPhone. On t'embrasse, Julien. Ok, ça va. Bisous. Bisous. Allez, et bisous. Sans déconner, faites attention, il n'y a rien à gagner. Oh là là. Sur que ce soit déjà nos comptes vrais Instagram, il n'y a rien à gagner. Alors, les faux, non. Et les seuls trucs à gagner, c'est sur l'antenne de Fun ou sur notre page Facebook ou Twitter. Ouais, voilà. On n'en peut plus de ça. Donc voilà, c'est. Ah non, mais moi, ça me rend chonchon. Je vais me créer un saignement de nez. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on aura Lucie. Lucie, elle a surpris deux profs en train de faire un truc de ouf au collège. Je vous le dis. Oui. Ils étaient en train de faire l'amour. C'est énorme. Improbable. Voilà, on va en parler dans un instant. Si vous avez vous aussi grillé des profs en train de faire des trucs improbables, appelez-nous là. 01 42 48 5000. Et pour le son, on écoute Soprano. Alors lui, c'est un beurre. On est en beurre. C'est en feu tout de suite sur Fun Radio. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prince de la ville. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. c'est Marion et Anso, le Night Show. Il est 22h13. Ce son, je m'en lasserai jamais. C'était dans un Pourquoi tu m'appelles. On était tombé sur une personne qui nous a décroché comme ça. Et après, elle n'a plus jamais répondu. Donc on ne sait pas si, ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà. Charmante personne. Si, elle va bien. T'inquiète pas, elle va bien. Bon, ben, tant mieux. 22h13, c'est Marion et Anso. Et on était avec Lucie, qu'on va accueillir maintenant, puisque Lucie, elle a quand même découvert The Truc de l'année, quoi. Lucie de Rouen, bonsoir. Coucou. Ça va, ma belle? Oui. Alors, t'as quel âge, toi? 12 ans. 12 ans, d'accord. Tout va bien à Rouen? Oui. T'es en quelle classe? 5e. 5e. Donc, tu as vécu quelque chose qui t'a choqué? Un peu beaucoup. En même temps, tu m'étonnes, on le disait tout à l'heure, surprendre deux profs en train de faire l'amour au collège, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait l'endroit. Il faut que tu nous racontes absolument tous les détails, comment ça s'est passé, c'était où, comment tu t'es retrouvée face à eux, dis-nous tout. D'accord. En gros, nous, on a une récré, et en gros, pendant la récré, on n'a pas le droit de traîner dans le collège. Sauf ouais. qu'avec une amie, nous, on traînait dans les couloirs. Sauf qu'il y a un moment, on entendait des trucs chelous. Et d'ailleurs, j'ai une amie, elle a pris en vidéo. Mais ah oui. Non. Si, elle a pris en vidéo. D'accord, donc vous étiez dans le couloir, vous entendez des bruits. Et du coup, on a avancé, mais vraiment pour pas qu'on nous entende. Et en fait, on a entrouvert la porte, et là, il y avait un prof, une fille, allongée sur une table au fond de la classe. Et le mec lui grimpait dessus. D'accord, on visualise effectivement la position, Lucie. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, c'est dingue. Alors, est-ce que tu connaissais ces profs? Est-ce que c'était les tiens ou pas? En fait, je me suis renseignée et en fait, c'était deux profs d'histoire géo. Et en fait, ils ont des réputations d'être stricts. D'accord. Ah, dis donc, c'est vraiment que dans le boulot, alors. Mais attends, mais est-ce que c'est possible, ça? Les profs, quand même, ils font attention. Ils vont pas faire l'amour comme ça pendant une récré dans une salle. Enfin, je sais pas, ça me paraît ouf. Bah moi aussi, mais en même temps, ça me paraît. Tu sais, c'est leur lieu de travail. On dit souvent qu'on rencontre des gens sur notre lieu de travail et que tu sais, il se passe plein de choses sur les lieux de travail des gens. Ouais. Que ce soit. Après, ce qui est malsain, c'est qu'il y ait plein de mômes avec eux, quoi, des gamins. Mais tu vois. Oui, bien sûr. Mais est-ce que ces profs-là, vous saviez qu'ils étaient ensemble ou pas du tout? Et si, ils étaient ensemble. Ah oui, d'accord. Donc c'est un couple à la base. Ah. Oui. Ah bon, alors déjà... Ah bon, c'est pas mieux, hein. Non, mais bon, déjà, quand même, ça amenuise un peu. Ouais, et du coup, c'est lui qui était sur elle, c'est ça? Oui. D'accord. Et vous avez regardé longtemps ou vous êtes partie en courant dès que vous avez vu ça? On a dû regarder 3 secondes et après on est parti. Bon, ah oui, ça va, c'était pas non plus comme au ciné, quoi. Et est-ce que vous l'avez dit à des gens, à d'autres profs? Comment ça s'est passé? Non, on a gardé ça pour le jour, nous. Non mais Lucie, t'es obligée de le dire à tes potes. C'est-à-dire que moi je vois ça, je te raconte ça à mes potes. Et là, c'est la rumeur dans tout le délire, quoi. Et là, tu peux faire chanter les profs et tout. C'est pas un conseil que je vais te donner. Je l'ai dit à mes potes, mais pas aux autres. Oui, d'accord, l'as dit aux gens en qui tu as confiance, quoi. Oui. Ouais, bon ça c'est foutu, hein. Dis-toi chérie que tes potes l'ont dit à d'autres potes de confiance qui l'ont dit à d'autres potes de confiance. C'est-à-dire que ça, t'habites à Rouen jusqu'à Marseille, ils sont au courant de main, hein. C'est sûr, et surtout là tu le dis à la radio. Donc même si je sais que tu es en anonyme, bon, ouais. Voilà, hein. Écoute Lucie, belle histoire. Franchement, tu vois, ça c'est le genre de souvenir. Tu t'en souviendras toute ta vie, ouais. Et quand tu seras grande, tu diras: moi une fois j'ai surpris deux profs en train de ken. Ouais, deux profs d'histoire même. C'est ouf. Ouais, franchement, bravo. Donc vois-le comme ça, sois pas trop choqué. Dis-toi qu'au moins les profs s'amusent entre eux. Et puis voilà, par contre, si jamais... Enfin, je sais pas si elle doit le dire quand même, parce qu'ils ont pas le droit de faire ça. Est-ce qu'elle devrait pas aller voir la direction et dire voilà, j'ai surpris cette scène? Oh, mais enfin, en même temps, faut se détendre un peu. Enfin, tu vois, à moins qu'elle ait été ultra choquée, je sais pas, mais. Elle est peut-être pas choquée, mais si un autre élève tombe là-dessus, enfin, je sais pas. Tu te vois, toi, Lucie, d'aller voir la directrice, la cafeteuse, quoi. Oui, c'est vrai, non. Ça fait cafeteuse. Non, ça va. Après, faut faire attention quand même, c'est des jeunes, donc. Ils ont pas le droit, quoi, mais bon. Ouais. Bon. Tu fais bien ce que tu veux, ma Lucie, en tout cas, voilà, garde ça en souvenir, t'en riras plus tard. Oui. En tout cas, merci en tout cas de nous considérer comme des gens de confiance et de nous l'avoir dit et de l'avoir dit à la France. Merci Lucie, bravo. Bravo. Et est-ce que je peux faire une dédicace? Bien sûr, Lucie. C'est une dédicace à Camille, Lucille, Maria qui doit souvent m'écouter. Et Marion, j'ai une question. Dis-moi, Bichette. T'étais pas chez Chloé avant? Si, bien sûr. Ah, je comprends mieux, c'est bon, j'ai compris. Oui, je suis la même personne, j'ai juste changé de maison. Trop mignonne. Non, mais c'est bon. Et le truc que vous avez essayé là avec l'esprit, j'ai essayé, c'est flippant. Ah bah voilà, et faites attention, le Ouija, il y a la vidéo sur notre chaîne YouTube Marion et Anso, c'est vrai qu'on a fait un Ouija il n'y a pas très longtemps. Faut faire attention, hein, le faites pas trop chez vous quand même. Et alors, ça a marché? Oui. Ah, ben voilà, c'est ce qu'on vous disait, on vous ment pas. Non, ouais, c'est vrai que nous, on n'a pas du tout faké ce dos et la preuve, on veut plus le refaire. Donc fais attention avec ça, d'accord? Oui. On t'embrasse, ma belle. Bisous. Bisous. Continuez à nous appeler la 01 42 48 5000. Vous nous dites quelle phase vous avez surpris chez vos profs. Est-ce qu'ils ont fait un truc improbable? Moi, je sais pas. Racontez-nous tout ça. Et là, j'ai un petit jeu pour vous, l'équipe. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oh bah, tu sais, c'est toujours très agréable de jouer avec toi. Hein. Ça s'appelle Vous avez déjà eu un prof qui? Je complète. Vous me dites si vous l'avez déjà eu ou pas. Je crois qu'on a compris les règles. Hein, simple, hein, easy, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu un prof qui vous a dragué? Ah oui, une fois, moi. Arrête. Oui, mais... en troisième, j'avais un prof, mais qui draguait toutes les filles. En troisième, mais ouais, c'est glauque. Un prof d'art plastique qui nous draguait dans les salles où tu développes les photos, là. Oh mon Dieu. Et il est resté comme ça en situation. Ouais, il n'y a pas eu de soucis. Il dragouillait, quoi. C'était pas. D'accord. Bon, on lui pardonne, alors. est-ce que vous avez déjà eu un prof qui a couché avec un élève de votre classe? Peut-être à la fac ou plus tard. Oui, moi j'ai eu, ouais. Ah bon? Racontez, les garçons. Alors moi c'était un prof qui était en remplaçant, on était en seconde, ouais. Et c'était une prof d'éco-droit, il était trop cool, il sortait en soirée avec nous, il avait genre 26-27 ans, et il a couché avec la plus vieille de la classe qui avait genre 20 ans. Ah oui, mais elle était très en retard, cette fille, en seconde. Ah, mais oui, elle a fait même un double cursus, elle avait fait genre un BEP. Ah d'accord, avant, ah, bah, après... excuse-nous de ne pas connaître son cursus. Ok, est-ce que vous avez déjà eu un prof qui a tapé un élève de votre classe, genre les mains? Ouais. Ah, ah oui, bon, ah bah moi dis donc, Sœur Madeleine, quand j'étais en CP. Moi, oui. C'est vrai? Bah oui, Sœur Madeleine, elle m'avait donné une gifle un jour. Et toi, Amir? Ouais, c'était mon prof de maths, il tapait tous les élèves. Mais c'est horrible ça, oui Yannick. Moi c'était mon prof de CP. Il faisait quoi? Eh ben, il m'avait levé, il m'avait dit lève-toi, parce que je discutais avec un camarade. Oh, il nous a fait lever tous les deux, il a pris nos têtes et bam, nos deux têtes face à face. Ouais, c'est terrible. Yannick, il a dû lui dire j'ai la phobie de l'école. Le mec a la phobie de tout. Est-ce que vous avez déjà eu un prof qui est tombé dans les pommes devant la classe le jour de la rentrée? Ah non. Non, jamais, ça n'existe pas ça. Est-ce que vous avez déjà eu un prof qui n'a jamais réussi à retenir le nom de ses élèves? Oui, oui. Ou qui les écorche tout le temps? Ouais, c'est ça, bien horrible. Sûr. Est-ce que vous avez déjà eu un prof qui voyait qu'il parlait dans la classe même s'il était en train d'écrire au tableau? Genre le mec est retourné au tableau, ah mais oui, il arrive quand même à savoir qui parle. Ah ouais. Oui, bien sûr. On est d'accord, mais comment ils font ça? Mais moi dans ma classe, il y avait un petit miroir au-dessus du tableau. Ouais. Ah oui, bah oui, bah là c'est un miroir incliné. Tout s'explique alors. Et du coup, bah ouais, c'est vrai que tu Du coup, il avait pas de pouvoir magique, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu un prof qui sentait l'alcool à chaque cours? Ouais. Ah bon? Ah ouais. Ah non, jamais. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais j'avais un prof, c'était un taré. Enfin, il sentait l'alcool. Ouais, moi aussi, j'ai un prof de techno comme ça. D'accord. Eh ben, on les embrasse. Est-ce que vous avez déjà eu un prof qui louchait? Du coup, c'était impossible de savoir à qui il parlait. Oui. Oui. Qui a dit oui? Moi. Amir. Mon prof de techno, il avait un strabisme. Hein. D'accord. Mais du coup, c'est vrai que quand il me parlait, je savais pas quel œil regarder. Est-ce que vous avez déjà vu un prof qui avait des mains baladeuses en cours de PS? Mais non. Non. Alors celui-là, à mon avis, il va faire l'unanimité. Est-ce que vous avez déjà vu un prof qui avait mauvaise haleine? Ah, bah ah oui. Et pourquoi ils ont toujours mauvaise haleine? Mais parce qu'ils parlent beaucoup. Ah bon? Ouais. Et même de la salive. Mais attends, on parle beaucoup nous aussi. On parle deux heures non, d'affilée. Mais il a raison, Amir. Il allait dire de la salive au coin de la bouche là. Ouais, la salive. Blanc, là. Et des fois, c'est le filet qui est au milieu, de haut en bas, et tu le vois. Mec, et puis il reste coincé sur la lèvre du bas. Mais attendez, les gars, comment vous expliquez que nous et les animateurs radio, on n'a pas ça? On parle plus qu'eux. Oui, là non, on parle pas plus qu'eux. Bah si. Bah, on parle deux heures de 22h à minuit, gagnant. Bah non, excuse-moi de parler de la journée. Hein. Ouais, je parle de la journée aussi. Et surtout, ils font des pauses entre mais les cours. Eux, ils sont dans une classe, pas pareil. Bon, d'accord. Franchement, j'ai un gros doute sur cette théorie quand même. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu un prof qui comptait jusqu'à 3 pour attendre le silence? Insupportable. Ah ouais. Ouais. Ouais, comme les darons. Est-ce que vous avez déjà eu un prof qui vous interrogeait alors que tout le monde levait la main sauf vous? Bah oui, bah ouais, tout le temps, toujours, tout le temps. À chaque fois. Je comprends pas pourquoi ils font ça, pour te mettre en galère. Bah oui, c'est pour voir si tu suigues, Marion. D'accord, Amir. Il y a Pierre de Troyes qui est avec nous. Non, Yannick du standard 3, ça s'écrit pas 3 comme le chiffre 3, putain. Oh là là. Oh. Elle en devient vulgaire, dis donc. Pardon. Bonsoir, Pierre. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe, comment allez-vous? Ça va et toi, poteau? Salut mon pote. Ça va. Oui, non, 3, ça s'écrit pas comme le chiffre 3, non. Excusez-moi pour ce gros mot qui est sorti droit du cœur. Alors, t'as quel âge, toi? Alors, moi, j'ai 17 ans. D'accord, et est-ce que tu as déjà cramé un prof en train de faire un truc un peu bizarre? Alors oui, j'ai déjà cramé un prof. C'était l'année dernière, j'ai cramé un prof de techno, enfin en fait, c'est sciences de l'ingénieur. Mmh. Et en fait, il y a une barrière derrière le lycée pour qu'ils puissent rentrer les profs, donc la barrière des profs. Et en fait, il était juste derrière cette barrière avec deux trois élèves un peu plus grands. Je pense que c'était des BTS ou quelque chose comme ça. Ouais. Et ils étaient en train de fumer un pétard ensemble. Arrête. Ah carrément. Ouais, donc quand j'ai vu ça, j'étais un peu choqué, quoi, parce que j'étais un peu plus petit et tout, donc... Bel exemple, voilà. Dis donc. Et en plus, c'est le même prof qui a engueulé un de mes potes de ma classe parce qu'il avait un paquet de cigarettes dans sa poche et tu lui as fait la morale, etc. Mais après, ils sont obligés de vous faire la morale, tu vois, ils sont responsables de vous, mais j'avoue, c'est pas cool de faire ça quand même. Mais déjà, c'est illégal, dans un premier temps, quoi, bah oui. Et puis surtout, tu fais pas ça aux portes de ton établissement, enfin quand même, un peu de gingin. Et alors, est-ce que tu as fait quelque... Ça veut dire quelque chose, un peu de gingin? Ouais, ça veut dire un peu de jugeote, un peu de gingin. C'est à Nantes qu'on dit ça? Ouais, enfin, c'est ma mère qui dit ça. D'accord. Est-ce que tu l'as dénoncé? Qu'est-ce que t'as fait? Non, bah, j'ai juste dit à mes potes et voilà, quoi, c'est tout. Après, on lui fait des petites blagues en cours, bien entendu, on le loupe pas, mais c'est tout, quoi. D'accord. Et c'est ça, parce que c'est ta réputation qui est en jeu, quand même, faut faire gaffe. Bah oui, je sais. Mmh. Bon, bah, écoute, merci pour cette anecdote, on t'embrasse. Bah, merci à vous. En tout cas, je tenais à vous dire que je vous adore, je vous écoute tous les soirs, vous êtes vraiment super top. Mais c'est toi, t'es top, Pierre. Moi, je le dis, hein. Pierre de Troyes, c'est vraiment le gars le plus top que je connaisse. Ouais. C'est un beurre. On t'embrasse, mon chat, merci. Merci, moi aussi, je vous embrasse. Les bisous, les filles. Bisous. Bisous. Est-ce que je peux vous raconter une phase d'un prof à moi? Ouais. Mais je veux. Alors, c'était au lycée, c'était mon prof d'éco. Il était black, sauf qu'il était tellement perché, il faisait que des phases racistes envers les blancs. Du style, vous les blancs, que des trucs comme ça, tu vois. Ah et personne n'osait jamais rien dire parce qu'il était tellement chez père et ça se savait, hein, tous les, voilà, les responsables le savaient. Mais c'était son personnage. C'était un truc de malade. Du coup, dès qu'on faisait une connerie, et de toute façon, vous les blancs, vous êtes comme ça et tout. Mais non. Mais si, je te jure. Et du coup, nous, on savait jamais comment le prendre. Mais c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Bah, c'est on drôle. On sait pas non. comment le prendre. En bah fait. Oui, tu vois, tu dis, bah, mec, pourquoi en fait, certes, t'es prof, mais enfin, quand même. Du coup, voilà, j'ai ce souvenir-là de ce prof, mais tellement perché. J'aimerais bien savoir s'il exerce encore aujourd'hui. Mais tu vois, comme quoi, il t'a marqué, ce mec. Ah bah, complètement. Ouais. Ah bah oui, je l'embrasse s'il m'écoute aujourd'hui. Hein. Moi j'avais un pion au lycée, il se remettait toujours les bouliches en place. Arrête, c'est pas vrai. Mais c'est vrai, je te jure que c'est vrai. C'est-à-dire que quand il se baladait dans la cour, il était normal. Et dès qu'il parlait avec un élève, il se remettait toujours le... Mais toi, te connaissant, ouais. Je suis sûre que t'avais envie de le remettre en place toi-même. Non, arrête. Le truc. Pas du tout, mais il pour avait la 60 joke. Ans. Oh, quelle horreur. Mais non, puis t'as pas envie de faire ça à quelqu'un d'autre. Enfin, non, ça me fait rire, j'imagine bien. Il y a Jérémy. Excusez-moi, monsieur. Jérémy était avec nous. Bonsoir, Jérémy. Ouais, ça bonsoir, bonsoir. Ça va, Jérémy? Ça va, ça va. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec moi, prof? Écoutez, moi, je suis sur Paris depuis 2 ans et j'étais au collège en Bretagne et j'avais ma prof d'anglais qui, à chaque fois qu'écrivait au tableau, mangeait un bout de craie. Hein? Un bout de craie? Et, ouais, à chaque fois qu'elle écrivait quelque chose au tableau, elle mangeait un bout de craie. Et à la fin, elle sortait avec la bouche pleine de craie, quoi. Mais pourquoi elle faisait ça? C'est un problème? Bah, je sais pas, on n'a jamais su, en fait. C'était mythique, quoi. Ah, mais tu et sais. Et en que fait, les boîtes de craie partaient à l'appel, hein. Ça me donne des frissons, imaginez une craie dans ma bouche, là. Ah ouais? Oh, mais moi, j'aime bien le goût de la craie. Ça a pas de goût. Mais si. Bah si, attends, t'as des craies bleues, t'as des craies roses. Non, mais en plus, c'était à Saint-Brieuc, à côté de chez Carrel, justement, donc. Ah, Carrel de Love and Fun. Ah bah oui. Ah, attends, mais tu sous-entends que Carrel mange de la craie. Il va être content. Vous avez jamais goûté de la craie? Bah si, mais... Et le plâtre, vous avez déjà goûté? Mais arrête. Attends, les parce que là, les gars... La terre. Pause. Attends, les pauses. Mais ça ne se mange pas, tout ça. Mais... Il faut faire attention. Ça peut être nocif. Donc non, on ne mange pas ça. Oui, Enzo. Moi, j'ai déjà mangé de la craie anglaise, hein. Oh, oh mais t'es chiant. Et c'est pour ça que tu lèves la main? Bah oui. Non, mais en vrai, la craie... moi, j'ai déjà mangé de la craie. J'ai déjà mangé du plâtre. Et j'ai déjà mangé de la terre. Je trouve ça, c'est un goût particulier, mais c'est bon. Mais dans quelle occasion, Amir? Oh, bah, tu sais, je me prends une parfois tout seul. Attends, il y a Yannick du Standard qui voulait nous raconter un truc. Ouais, en fait, c'est parce que je pense qu'elle est fumeuse. Moi, j'avais une prof comme ça, elle était fumeuse, et elle mettait sa craie comme si elle fumait une cigarette. Ah ouais, et pas bête. Elle écrit, elle fumait. Fumait, c'est vrai qu'elle fumait. Hein. Non, mais d'accord, mais au bout d'un moment, quand t'es fumeur, tu finis pas par bouffer le truc. Non, mais tu sais, tu peux le faire avec le crayon et tout pour avoir une contenance. Ouais. Peut-être que c'était ça. Ah ouais, bah c'est ça. Bah merci Yannick, bravo Yannick. Bravo. Yannick, bravo Yannick. C'est ça, Yannick. Inspecteur Yannick. Jérémy, merci de nous avoir raconté ton histoire. On t'embrasse. Au revoir. Ciao. Bisous. Bisous. Bisous. Jérôme de Calais avec nous aussi. Bonsoir, GG. Oui, bonsoir, Marion. Bonsoir, Anso. Comment ça va? Ben, ça va super bien, et vous? Très bien. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec le prof? Alors, moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà eu un prof qui se décrottait le nez en classe? Ah non, quelle horreur. Eh si. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'en fin de compte, de ses crottes de nez, il en faisait des petites boules qui jetaient sur les élèves devant lui. Non, mais ça devrait être interdit. Hein. Ça, c'est pas bien, ouais, non, mais c'est un truc de fou. Aujourd'hui, il a toujours cette même réputation. Il y a des élèves que je connais qui vont encore dans ce collège-là. Et aujourd'hui, ce prof-là, pardon, exerce encore et il a toujours cette même réputation, pardon. C'est horrible, le décrotteur. Ah, c'est un truc de fou. Mais c'est horrible. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Jérôme? Moi, je suis vendeur. D'accord, bah ça va, t'as plutôt bien réussi ta vie finalement. D'accord. Dis-moi mec. Bah en même temps, moi je suis désolée, ça fait quand même une distraction, t'as ça en cours, tu te marres quoi, tu paries avec tes potes, quand est-ce qu'il va le faire, sur qui ça va tomber. Ouais, non mais. Dès ouais, qu'il préparait la petite boulette, c'était horrible, elle va arriver sur nous. Et je trouve que les vieux en plus, là, pour enlever les crottes de nez du nez, et ben ils ont une espèce de petite technique où ils cassent le nez. Ah ouais, t'as mis un c'est dégueulasse. C'est vrai, bien là, profond dans le nez. Il cache et puis il y a un doigt qui passe en dessous. Ah, oui, moi merde. J'avais une prof à moi en CE2 qui faisait ça avec son capuchon de stylo, c'était non. Horrible. Ah. Ah. Eh, les profs qui nous écoutaient là, franchement, je sais qu'il y a des gens très bien, hein, mais juste faites attention quoi, vous pouvez nous traumatiser. Moi ouais. J'avais un prof qui faisait un truc improbable quand j'étais en CM2, mais c'était génial. Il me laissait, parce que comme je voulais être comédienne et faire un peu la folle, il me laissait l'après-midi, on n'avait pas cours, on allait soit faire le jardin dans l'école, soit il me faisait faire des spectacles. Mais non. Si, c'était chambé, je faisais des sketchs et tout. Et il y avait du monde ? Bah. Est-ce que les gens avaient pitié ou ils rigolaient ? C'est ça la question. Les gars, je me prenais four sur four. Bah oui, j'en étais sûre. Mais c'était génial, j'étais sur l'estrade et il y avait toute la classe. Ah, c'est mignon. Bah oui, c'était cool. Ah, il y avait une estrade de ton époque ? Il y avait une estrade, ouais, et puis je faisais mon spectacle, c'était super. Et c'est quand même mieux ça ou les crottes de nez ? Ça, je préfère. Bon, ça, bah voilà, ça arrive. Oui, Enzo, standard. C'était qui ta première partie ? T'es con. Jérôme, on t'embrasse, bichon. Merci, bonne soirée à vous. Bisous. Bisous, ciao. Pépère. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que t'as surpris des profs faire quelque chose, toi? Bah, alors Pépère, lui, il a déjà retrouvé son prof en train de faire caca une fois, ouais. Oh non. Mais c'est pas possible, c'est dégueulasse, t'as réagi comment? Bah, vu que c'est un professeur d'anglais, j'ai été obligé de lui lécher un coup de langue le cul, hein. Oh, mais c'est dégueulasse! Bah non, ça va, c'est un petit goût de merde, quoi! Putain, mais mec, tu me dégoûtes! Pas le rapport! Moi non plus! Bah si, vu que c'est un prof de langue, on dit que pour bien apprendre la langue, on doit rentrer la langue! Oh là là! Il sait pas où il va, les gars! Bah si! Alors, je ne sais pas où tu dis ça, mais bon! Hein, t'es où? Bah là, je vais en Chine! D'accord! Pas de vanne donc, hein! Restez avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, c'est le Wesh C'est Qui va débarquer. Et puis surtout, nous allons accueillir tous ensemble le Boubou, le Stisti. Restez là, on se retrouve juste après Sib. C'est Brice sur Fun Radio. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Don't drown your heart, baby, just please don't drown your heart. sociaux, nous allons avoir des héros au téléphone, des gens qui ont sauvé la vie d'autres. Et j'aime beaucoup ce genre de moment. Restez là parce que ça devrait être sympa. On aura aussi le Pourquoi tu m'appelles. Et ce qui est bien ce soir, c'est que c'est Boosty, notre invité, qui va le faire. Alors si vous connaissez pas le Pourquoi tu m'appelles, bon, qu'est-ce que je peux vous diffuser? Bah ça par exemple. Allô, oui. Oui, pourquoi tu m'appelles? Vous êtes qui là, pauvre con? Pauvre con? Ben non, mais moi je veux juste savoir pourquoi vous m'appelez. Espèce de trou du cul. Voilà. J'espère que Boosty va tomber sur des gens gentils, voilà. Ouais. Et j'espère qu'il sera traité de trou du cul, ça peut être très marrant. Wesh, c'est qui? Wesh, c'est qui? Cette semaine au Wesh C'est Qui, on vous offre 400 euros de fringues American College. C'est juste énorme parce que franchement, c'est une marque de ouf, hyper stylée. Et en plus, vous repartez avec le DVD du film Vert Émeraude. Gros, gros cadeau. En plus, c'est cool parce que American College, ils sont spécialisés dans les bombers. Et ça revient vachement à la mode là, c'est hyper tendance pour cet automne. Voilà. Ah, dans les bombers. Alors, vous me direz, où est-ce que t'as vu ça? Eh bien, je viens de l'inventer. J'en étais sûre. C'est Maïna qui joue avec nous ce soir. J'adore ce prénom, j'étais à l'école avec une Maïna, figure. Ah bon? Ouais, elle était très douce. Bonsoir Maïna. Salut Mario, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors Maïna, présente-toi ma belle, tu habites où? J'habite à Clamart, dans les environs de Paris, Paris Sud. Ok, t'es en quelle classe? Je suis en seconde. Ça bon. Va, les notes, tout ça, ça va pour le moment? Ça va. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. Ouais, ça sent le moyen, quoi. Bon, en même temps, on est le 25 septembre, donc je pense qu'elle a le temps de voir venir. Ouais, voilà. Tu veux jouer avec qui ce soir, Maïna? Avec mon papa. Avec ton papa, d'accord. Papa s'appelle comment? Samuel. Samuel, ok. Il est bon, il est comment? Il s'y connaît, niveau star de jeunes, tout ça? Je sais pas trop, ça va, je pense. Bon, je vais te dire, aujourd'hui, il n'y a pas que des stars de jeunes, il y a aussi des stars de sa génération, donc ça devrait être facile. Je te rappelle qu'il faut que tu l'en fasses deviner 4 sur la liste de 6 en une minute. Ça marche. Ok, est-ce que tu as de quoi noter? Ouais. C'est parti, ma belle, on commence avec Jerem Star. Ouais. Pas facile, ça. C'est pas facile, mais bon. Je crois pas qu'ils connaissent, mais bon. Après, tu peux utiliser, par exemple, je sais pas, moi, c'est le prénom de notre cousin et c'est une personne célèbre, ça fait Jerem Star, tu vois ce que je veux dire? Tu peux vraiment faire deviner comme tu veux. Mais vraiment, hein, Marion, c'est incroyable, elle a vraiment de la suite dans les idées. Arrête. Maïna, la deuxième star, ce sera Elie Semoun. Elie Semoun, d'accord. Katy Perry. Ouais. Mimi Mati. Ouais. On aura le personnage de dessin animé Titeuf. Ouais. Et on finit avec Barack Obama. Facile ça. Ouais. D'accord. Alors, Jerem Star, Elie Semoun, Katy Perry, Mimi Mati, Barack Obama et Titeuf. Je rappelle évidemment aux auditeurs que papa est en ligne avec notre standardiste et qu'il n'a rien entendu. Ça marche. Alors, on est avec Samuel au téléphone. Bonsoir Samuel. Oui, bonsoir, salut. Oui, bonsoir. Ça va Samuel? Super bien. Bon, pas trop de pression, pas trop stressé? Non, c'est un plaisir. Ah bah ça s'entend en plus Samuel, ça va la vie quoi. Exactement. Bon. Alors Maïna nous a dit que les notes c'était moyen, mais que ça allait s'améliorer très vite. Il y a intérêt. Mais surtout, elle a pas du tout dit ça. Donc, elle a dit. Je l'ai entendu moi. Bon, je vous rappelle juste le principe, vous avez une minute pour découvrir 4 stars, on lui en a donné 6. Donc soyez bon, si jamais vous hésitez, vous passez, il n'y a pas de souci, on peut revenir dessus après. D'accord, très bien, parfait. Allez Maïna, Samuel, 3, 2, 1, top, c'est parti. Je pense pas que tu le connaisses. Enfin, si. Passe. Alors, il a joué dans l'élève du Cobu. C'est le prof. Oula. Le prof. Elie Semoun. Oui. Ouais. C'est un dessin animé. C'est un petit avec une crête blonde qui dit souvent zizi et tout. Passe sinon, hein, biche. Bah, je passe. Elle est toute petite, elle passe sur TF1, elle fait de la magie. Mimi Mati. Oui. Président des États-Unis. Oui. Barack Obama. Oui. Et le dessin animé, c'est, tu sais, avec la crête blonde, là. Ah ouais, mais merde, j'ai oublié. Il dit toujours tcho. Ou sinon, il y a. Oui, vas-y. Non, vas-y, continue. Sinon, il y a une chanteuse, je crois, c'est une Britannique. Elle chante. Non, je sais pas ce qu'elle chante. Non, bah, vas-y. Il a une crête blonde, il est toujours des gros mots, il est sur France 4 et tout. Sa copine, c'est Nadia. Allez. Samuel, mais c'est nul. Non, Samuel. Ah non, moi, ça me fait trop mal au cœur. En plus, on peut le découper. Je vais essayer de vous le faire deviner, Samuel. Non, mais je sais, il m'a échappé. Les jeunes, ils disent fête. Mais ils le disent en verlan. Ça fait quoi? Ça fait. Tof. Ouais. Et donc? Ça vous dit rien? Titeuf. Ah ouais, c'est trop dommage. Je suis désolée, chérie. Mais bon, en même temps, c'était pas une liste facile. Et à la fois, l'avantage, Maïna, c'est que tu peux rien foutre à l'école, puisque comme il a perdu. Non, j'ai pas eu beaucoup de maths pour l'instant, donc ça va. Tu sais quoi, est-ce que tu veux retenter ta chance avec ta maman plus tard? On verra. Eh ben écoute, tu veux, il n'y a pas de souci, t'es la bienvenue sur l'antenne. D'accord, ça marche. Okay, on t'envoie ma fête ou pas? Oui, bien sûr, on t'envoie ça, ma chérie. Et je peux passer une dédicace? Oui, vas-y. Je passe une dédicace à toute ma classe, la seconde 2, je suis back, et tous les gens qui me connaissent, toutes mes potes et tout. Ok, et ben, on embrasse tout le monde. Samuel, on vous embrasse. Allez, salut. Bisous. Au revoir. Au revoir. Bon, dans un instant sur Fun Radio, ça y est, il sera avec nous. C'est Boosty qui est invité du Night Show ce soir. Si vous avez des questions à lui poser, 01 42 48 5000. Et puis surtout, ne bougez pas, parce que je pense que tout ce qui est amour propre, tout ça avec Marion, on va laisser tout ça de côté pour quelqu'un d'autre. Oui. On va s'afficher devant toute la France. On a prévu une grosse surprise pour Boosty. Et c'est ridicule. Bougez pas, on se retrouve juste après The Chainsmokers sur Fun Radio. Hey. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. Boosty est l'invité de Marion et Anso dans le Night Show sur Fun Radio. Le Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Eh oui, il vient juste de s'installer. Il est frais, il est beau, il a un t-shirt mangé par les mythes. Mais il est là, c'est Boosty, les amis. Ouais. Boosty, Boosty, Boosty, Boosty, Boosty, Boosty. Alors, c'est pas une blague, hein. Il a vraiment un t-shirt mangé par les mythes avec des gros trous. Non mais attends, faut pas lui en vouloir parce qu'on a tous ce problème-là, Boosty. Hein. Alors attends, parce que voilà. C'est bon, t'as allumé ton micro, tout va bien. Il y a des trous partout dans ton t-shirt actuellement. Donc On va mettre une photo sur les réseaux sociaux. Il y a des trous partout, mais ça m'inquiète, ça saute pas les mythes, hein, je veux dire. Ah bon? Ouais, ça peut sauter de son t-shirt, tiens. Mais non, je vais m'éloigner de la personne. Ouais, mais c'est plus kiffant s'il y a des trous dans ton t-shirt. Bon, Boosty, vous le connaissez forcément, bah c'est ça déjà, les gars. Il est bon, hein. Ah oui, il est bon. Non mais c'est vrai qu'on adore ce morceau. Ouh, ça fait plaisir. Et le titre qui a été diffusé pour la première fois sur Fun Radio, les amis. Oui. Je m'en souviens, c'était en mars. Oui, exactement. En mars, ouais. C'était en mars et là on est à bientôt 3 millions de vues sur YouTube. Voilà, on grimpe, hein, on y va, quoi. Oh, on est sur l'autoroute de la vue, quoi. Oui, énorme. Oui, c'est cool, c'est vraiment, c'est génial. Et puis c'est Fun Radio, effectivement, qui a lancé Philolone en premier. Ouais. Donc on était comme des fous. Tu prépares en ce moment la sortie de l'album, c'est ça, le premier? Oui, premier album. Ouais. C'est pour quand cette histoire? On n'a pas encore de date fixée. Ouais. Mais le plus tôt sera le mieux. Donc on fait en sorte de travailler vite et bien pour pouvoir le sortir le plus vite possible pour que les gens le découvrent rapidement. Genre un fin d'année, une période de Noël, c'est tout ça. C'est ça, on espère ah, vraiment. Pour les fêtes, c'est toujours bien. Mmh. Ça fait un petit cadeau sous le sapin. Voilà, Boosty sous le sapin. Album. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est con. Bon, Boosty, on a préparé plein de choses pour toi. Ouais. On a du jeu, on a de la question. Évidemment, tu vas faire ton titre en live tout à l'heure, t'es d'accord? Yes, avec plaisir. Et il faut que tu répondes à tous les auditeurs qui sont là pour toi ce soir. Eh bien, avec plaisir. Les gars, je vous emmène à Angers, dans le 49, puisqu'on rappelle que Boosty est Choletais quand même. Oui. Ah. Kevin est avec nous. Bonsoir, Kéké. Ouais, salut Anso, c'est Marion, c'est Boosty. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors Kevin, t'avais une question pour Boosty. Yes, salut Boosty. Salut. Est-ce que t'es content de ta communauté de la Boost Team? Oui, très très fier, c'est bien. Ah, c'est la Boost Team? Oui, ah, c'est cool comme nom. C'est mis en place récemment, donc c'est vraiment cool. Il y a les gens derrière moi qui tiennent la page du coup Boost Team très très bien. Alors attends, il faut que tu m'expliques comment on choisit un nom de communauté. C'est eux qui ont décidé, c'est toi qui as validé. Comment ça s'est passé? En fait, à la base, c'est la petite communauté d'Angers qui s'était appelée comme ça, la Boost Team. Ouais. Et comme je trouvais le nom génial et marrant et simple, du coup, je leur ai proposé, est-ce que ça vous dit qu'on prenne ce nom-là pour en faire le nom de la communauté? Mais attends, voilà, mais ils sont hyper actifs. Enfin, je parle pas de la maladie. Mais hyper actifs sur les réseaux. Ouais. Toute la journée sur Twitter et que je te like et que je te retweet. Mm. Vraiment, t'en fais partie, Kevin, toi? Ouais, j'en fais partie et voilà, je fais une petite bise à tous les admins et voilà. Ouais, vraiment, moi ça me fait super plaisir, c'est comme ça aussi que ça commence, qu'on prend la crédibilité aussi pardon. Ouais. Les gens ont envie d'aller voir parce que du coup il se passe quelque chose et c'est grâce à eux qu'il se passe quelque chose aussi sur Twitter, qu'il y a du retweet, etc. Donc moi je leur dis merci vraiment parce qu'ils suivent le projet à fond et ça fait super plaisir. Et ils m'offrent aussi des cadeaux sur les lives, etc. Ils m'ont fait des chemises hawaïennes parce que j'adore les chemises hawaïennes. D'accord. Des bracelets, ils m'offrent plein de choses, des bouteilles d'Ice Tea, des popcorn. Donc, ils sont sympas, voilà, hein, bravo la Boost Team. C'est mes parents aussi en même temps, donc c'est cool. La chance, moi aussi j'aime bien les chemises hawaïennes, les gars. Bah, crée-toi une team, Anso. Ouais, l'Anso Team. Voilà. Kevin, t'avais une autre question ou on s'embrasse et on se kiffe? On s'embrasse, on se kiffe et puis à la prochaine. Eh bien, ça marche. À bientôt, Kevin, on t'embrasse. Ouais, salut. Bisous. Alors, Boosty, en préparant l'émission, on a découvert que pour trouver ton nom de scène, tu t'étais inspiré d'artistes comme Florida ou Eminem qui ont inventé leur pseudo eux-mêmes. C'est ça. Du coup, tu as choisi d'inventer le tien et dans cette interview, tu dis que comme à l'époque, tu démarrais dans la musique, t'avais plein de boutons et que tu adorais l'Ice-T. Tu me dis si je me trompe pas. Non, mais c'est malheureusement ça. C'est improbable. Hein. D'accord. Du coup, tu t'es pas trop pris la tête finalement. Mais attends, est-ce que je veux dire, tu as fait un mix entre bouton et Ice-T, ça a donné Boosty, c'est ça? Mais oui, mais j'étais jeune et voilà. C'est drôle. Hein. Et du coup, voilà, c'était en quatrième, je crois, j'étais sur ma bicyclette à moteur pour aller voir un pote. Et du coup, comme je commençais, il fallait que je trouve un nom. Et comme j'avais des boutons sur le visage, plus en voir de peau. Du coup, je voulais m'en servir pour rigoler parce que j'aurais jamais pensé que voilà, il est. Et t'imagines si ça avait été aujourd'hui avec les mythes, il se serait appelé peut-être Mitty. Ça aurait été stylé aussi. Mais c'est aussi bête que ça. Hein. Du coup, on t'a préparé un petit questionnaire sur l'origine des noms des stars. Est-ce que tu es prêt à jouer avec nous? Absolument. Pourquoi 50 Cent s'appelle-t-il ainsi? Réponse A, car c'est la somme qu'il avait sur son compte en banque lorsqu'il a commencé à rapper, un petit peu comme moi en ce moment parce que je galère. Réponse B, est-ce qu'il a emprunté son nom à un tueur en série qui tuait ses victimes pour seulement 50 centimes? Ou réponse C, car il avait une pièce de 50 centimes comme porte-bonheur étant enfant? Ah, je sais pas moi. Parce qu'il avait une pièce de 50 centimes comme porte-bonheur étant enfant? Eh bien pas du tout, puisque la personne, on ne le sait pas, mais est malsaine, qu'il a emprunté son nom à un tueur en série. C'est pas vrai. Qui tuait ses victimes pour seulement 50 centimes. Ouais. 50 Cent? Oui. Wow. Non. Tout à fait. Incroyable. D'accord. Bah en même temps ça va bien avec le personnage. Ouais, enfin bah non. C'est que quand on le voit comme ça, tu te dis pas on va aller tailler une bavette, tu vois ce que je veux dire? Pas faux. Alors pourquoi M. Pokora a-t-il choisi ce pseudo? Réponse A, parce que c'est un blaze de beau gosse. Réponse B, car ça veut dire humilité en polonais. Ou réponse C, car il s'appelait en fait Mathieu Pokoraya, mais il a préféré raccourcir pour éviter tout jeu de mots avec les surimi. Alors, beaucoup de chance, c'est la 2, parce que je l'ai entendu dans une émission. Oui, c'est vrai, tout à moi fait. Aussi, je savais. Ça veut dire humilité en polonais. Bravo. Bravo, les gens bilingues. Que signifie réellement le pseudo Black M? Black Mamba en référence à son anatomie, Black Méchoui en référence à son plat préféré, ou Black Mérine en référence à l'ennemi public numéro 1? La 3. Ouais, tout à fait. Ah bah oui, ça c'est connu. Exactement. Bah, c'est bon. En tout cas, on est incollable partout, sauf en 50 Cent, j'ai l'impression, Boosty. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, on revient tout de suite sur Fun Radio, bougez pas. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go. Le son Dance Floor. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio, sur funradio.fr. This is Lara Croft. Fun Radio présente la Paris Games Week by Coca-Cola. Le salon français du jeu vidéo du 27 au 31 octobre 2016 à Paris Expo, porte de Versailles. Venez découvrir en avant-première avec les jeux vidéo les plus attendus de la fin d'année. À la Paris Games Week, le jeu vidéo fait son show. Avec Fun Radio. Ok. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. Baby got ass like a trunk. Took her from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons with me if they need a problem. Fuck niggas, hate real niggas, get money. All motherfuckers dead. Baby drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. We'll come home and pass it. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She just want let her sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other man a girl is, I'm a stunter forever. Boosty s'installe dans le Night Show sur Fun Radio. Ah oui, il est toujours avec nous. Et juste avant la pub, on était en plein quiz sur l'origine des noms des stars. Ouais. Il t'en reste deux, Bichette, c'est ça? Ouais, il m'en reste deux. Pourquoi la chanteuse Tal a-t-elle choisi ce nom pour monter sur scène? Ah. Est-ce que c'est parce que tout simplement c'est son vrai prénom? Est-ce qu'elle s'appelle en fait Chantal, mais ça faisait trop yov? Ou est-ce c'est parce que son nom de famille est Assa et Tal Assa? Ça ne le faisait pas du tout. À ton avis? Purée, est-ce que tu pourrais me redire la première? Bah, peut-être que c'est tout simplement son vrai prénom. Ou alors elle s'appelle Talassa. Hein. Et la deuxième, c'est quoi, mes gros loups? En fait, Chantal. Elle s'appelle Chantal. Ah là là, les trois sont quelque peu bizarres. Ouais. Moi, je dirais que c'est son vrai prénom. Et ben ouais, Tal veut dire rosée du matin en hébreu, et c'est son vrai prénom. Ah, c'est beau. Ouais, c'est vraiment très joli. Pourquoi le rappeur MHD s'appelle-t-il ainsi? Car ce sont les premières lettres du prénom de ses trois frères, Maurice, Hervé et Didier. Possible. Parce que c'est la première lettre, la dernière lettre et la lettre du milieu du prénom Mohamed. Ou est-ce que c'est parce que ce sont les initiales du nom de sa cité? C'est Mohamed. Tout c'est à vrai. Fait. Merci. Il s'appelle Mohamed, merci. Effectivement. On bravo adore. Bossy. MHD. Bravo. Bravo. C'est un sans faute. Bien joué. Bravo. Fort. On a de la question pour toi, Bousty. Est-ce que tu es prêt? Oui, bien sûr. Ouais, je t'emmène à Tours. C'est toujours un petit peu la même région. Ouais, plaisir. Léa, bonsoir. Salut les. Salut les filles, salut Bousty. Elle a fait un faux départ. Ça va, chérie? Oui, et toi? Bah ouais, je te présente Bousty, vas-y, parle-lui, fais-toi kiffer. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si t'as toujours voulu être chanteur ou t'avais un autre métier en tête, en fait. Non, en réalité, je suis plombier. non, moi, j'ai toujours voulu faire chanteur depuis que j'ai 13 ans. D'accord. Voilà, et si jamais t'avais pas pu réaliser ce rêve, est-ce que tu sais ce que t'aurais fait? Absolument pas. D'accord. Non, le grand vide. Bon, et ben voilà. J'ai eu de la chance. Voilà Léa, pourquoi tu veux être chanteuse et tu te cherches un peu en ce moment? Non, bah oui, ça me plaît beaucoup aussi. Alors vas-y à fond, n'arrête pas. Ouais. Voilà. Et si t'as besoin d'un pseudo pour te lancer, Bousty en aura forcément sous la main. Parce qu'il y a toujours de très bonnes idées. Ouais, on t'embrasse ma belle. Merci. Bisous Léa. Bisous. Salut. Bisous. Bon Bousty, en préparant cette émission, nous avons vu quelque chose. On a remarqué que t'étais fan de rap. T'as des influences du style Eminem, tout ça, c'est un peu qui t'ont donné envie de faire ce métier. Oui, grave. Du coup, on a eu envie de rendre hommage à cette passion. Rendre hommage, je sais pas, hein, par contre. Hein. Avec Anso, on a enregistré un petit rap sur des morceaux que tu aimes bien. Voilà, d'accord. Tu l'as déclaré. Tu vas essayer de nous départager et dans un instant, trop cool. Les garçons de l'équipe vont eux te faire un rap en live. C'est en quelque sorte le rap contest, ok? Trop cool. Oh là là, okay. On commence par toi. Moi, c'est la pire. Hein. Allez, c'est parti, c'est mon rap, c'est sur Eminem. Oh. Bonne chance. Hein. The music, the moment you know it, you better let it go. You only get one shot, do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, yo. Aïe, aïe, aïe. Voilà, on en est là. C'est trop cool. C'est dégueulasse. Alors j'aime beaucoup ton anglais, this opportunity. C'est très compliqué parce que j'avais les paroles sous le nez et je me suis dit, mais il les dit pas ces paroles. Bah si, mais il les dit vite, c'est Eminem. Voilà, avec l'accent américain en plus, on te comprend. Alors si tu devais me donner une note. Sur 10? Ouais. 8. Ah, wow, merci. Pas mal, hein. Ce que ça donne avec Anso, t'as rappé sur quoi, toi? Moi, j'ai rappé sur Lil Bobo. Ah, j'adore Lil Bobo. Allez, surprends-nous, Anso. Bah, wah, wah, yippie, yo, yippie, yeah. Where are my dogs at? Bark with me now. Bah, wah, wah, yippie, yo, yippie, yeah. And all my girls around the way that love, oh, it's going down, say. Boom! Ambiance sur son propre jeu. Franchement, la meuf pèse, c'est pas mal. Mais 9, mais direct. Quoi, 9? Pardon, excuse-moi. mais la même note que moi. Non. Bon, d'accord, c'est 9. C'est cool, c'est en rythme et tout, c'est trop bien. Alors, les garçons, à savoir Amir des réseaux sociaux et Enzo du standard, ont préparé quelque chose. Alors, eux, ils n'ont pas voulu reprendre une référence connue. Ils ont voulu inventer leur propre rap. Oh, excuse-nous. Donc, tu vas voir, c'est à toi de nous départager. Est-ce que vous êtes prêts, les garçons? Ils ont voulu faire du live. On est là. Ah ouais, c'est en live. Allez, c'est parti. Balance la musique, mon Thibaut, à la réal. Attends. Qui commence? Parce que je suis pas hyper bien. Eh bah, toi. C'est toi. Ah, ok. Ouais, c'est toi. Allez, okay. Vous êtes chaud? Ouais. 1. Quand j'ai night, vous dites show. Night show. Go. Bonsoir, bienvenue rue Bagar. Bande de bâtards, ce soir on se couche tard. Marion Anso, c'est le night show. Vous êtes bien branchés sur Fun Radio. Yo. Ah oui, pardon, Enzo, je te laisse solo. Ce soir, je vais voir ta mère, je vais lui casser le dos. Ok. Un, ce soir je rappe en direct avec Bousty. T'auras pas le temps de prendre une pause pour manger un bounty. Je suis désolé. Je dois m'absenter. La sœur d'Amir, elle vient d'appeler, je dois la démonter. C'est pas mal du Attendez, les gars, c'est même pas du rap contest, c'est en fait c'est du clash contest. Ouais, on est là. Wow. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé Génial, les quatre sont géniaux, franchement, c'est trop cool. J'adore. Eh ben écoute, il faut un vainqueur parce que nous on est comme ça, on est toujours en compète. Alors, tu gardes qui? Enzo. Ah là là. Oh, wow. Non, mais la fin, la chute était incroyable. Ouais. Mais bon, nous on a fait des vrais trucs quoi. Oui, et puis nous on a chanté en anglais quoi, c'est pas notre langue natale. Attends, Bousty, et du coup en troisième, tu choisis qui? Anso. Wow. Ouais. En troisième, mais c'est en nul. Deuxième, plutôt. En deuxième, oui, ah non, oui, en deuxième. Deuxième. Ah, deuxième. D'accord. Et en troisième, sois sérieux. Amir. Sois sérieux quand même, Bousty. S'il te plaît, Amir. Bousty. Parce que c'était des freestyle et c'était de l'impro, Amir, je pense que je le mettrai. Bien. Attends, ah oui, bah oui, du coup, t'es dernière. Ouais. C'est pas du studio, quoi. J'ai déjà pensé à ça. Que oh là là. Non, en fait, non, Pascal vient d'Angers, qu'on se connaît. Du Hanoville, je la mets première. Et toi, du coup, t'es dernier. Bon, écoute, tu sais quoi, Bousti, tu vas nous donner une vraie leçon de vrai chanteur, parce que nous, c'est pas notre métier. Oui. Je te propose de t'installer et que tu fasses ton titre en live. Avec plaisir. Est-ce que ça te va? Les gars, on va l'ambiancer comme il se doit, parce qu'on est dans ambianceur, quoi. Bien sûr. Allez, allez, Bousti, en live, c'est Popcorn sur Fun Radio. Ah, j'adore ce titre. Oh, moi aussi. Merci. Et on bouge, hein, on bouge nos boules. Ah, on y va. Allez, allez. Fly like a bird, you know what a pout is. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what a pout is. Stay with me, we rock the party. You're in my mind. Tout le monde dans le studio bouge son popotin. Let's go. Hey, hey, hey, hey, hey. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière, car au bout du compte nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous aller, on est peut-être vous en fait vos alliés aimés dans un effet de foule. Say fly like a bird, you know what a bout is. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what a bout is. Stay with me, we rock the party. On est toujours là le night show. Let's go, say. Les duos manquent de sommeil. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faux, s'allier s'aimer dans un effet de foule. Le night show fait du bruit. Aïe, aïe, aïe. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des cadres que je capte pas. Les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Est-ce que tout le monde dans le studio peut taper dans ses mains pour la fin comme ça? Voilà. Say fly like a bird, you know what a bout is. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. So fly like a bird, you know what a bout is. Stay with me, we rock the party. You're in my mind. Let's go. On est dans le night show à Fun Radio. Merci beaucoup. Ah oui, Bousti en live, les amis. Qu'est-ce que c'était bon, on a dansé. Bravo, mon Bousti. Hein. Alors, ça, mais ça, c'est tout mon Bousti. Viens, il arrive dans une pièce, il nous ambiance une soirée. Franchement, j'ai eu chaud, j'ai tapé dans mes mains, c'était bien. Ah, j'ai adoré. Ah, bravo. C'était chiant, mais franchement, canon. Ah là là, j'ai toujours du mal à reprendre mon souffle après. Hein. Oh, moi aussi, bah, tu sais quoi, on a une petite question pour Bousti. Parfait. Alors, ça tombe bien, Sophie nous appelle de Montreuil. Bonsoir à toi, Sophie Desbois. Salut, Anne-Marion, salut Anso, salut Bousti. Salut Sophie, ça va? Ça va impeccable, et toi? Oui, alors je connais bien les gens parce que du coup, ils viennent sur les lives et on discute. Ah. Et voilà, donc je connais Sophie. Alors, t'avais une question? Oui, je voulais savoir si t'avais une collaboration en vue avec un autre chanteur dans les mois à venir. Et si oui, lequel? Non, non, non, non. Premier album, il n'y aura pas de featuring. Mais peut-être que d'ici quelques mois, il y aura un featuring, mais ce ne sera pas un homme. Ah, d'accord. Alors, français, international? Non, pas français. Oh, du don, il va faire un titre avec Sia, madame. L'autre. T'imagines? Direct, je sais pas pourquoi. Il prévient personne et à chaque Irak, il bat. D'accord, donc on ne peut pas avoir un petit indice, par exemple? Mais franchement, non. Ah, alors, attends, brune ou blonde? Juste ça, vas-y. Brune. Brune, ok, ouais. C'est Rihanna, les gars. On y est. Ah, c'est sûr. Voilà. Ah bon, écoute, on n'en saura pas plus pour l'instant. Mais... Non, malheureusement, parce que je peux pas m'avancer. Mais j'espère vraiment, mais vous serez les premiers à le savoir si ça se fait. D'accord, donc chanteuse internationale brune, c'est déjà pas mal. Hein. En tout cas, si t'as besoin d'une nana, hein, tu es Marion ou moi, hein, tu nous as goûté, t'as goûté un peu de flow. Avec cette maquette-là, ça va pas s'arrêter là, ça va pas s'arrêter. Tu n'hésites pas, évidemment. Sophie, t'avais une autre question, ma chérie? Je j'ai ma fille qui aimerait bien une petite question, si c'est possible. Bien sûr. Oh bah, c'est pas moi qui décide en plus. Mais bien sûr, bien sûr, évidemment. Il y a personne sur ton émission, bien sûr. Mais allez, si. On te fait ça. Allô ? Oui, oui. Oui, allô ? Bonjour. Oui, donc je voulais juste te dire merci, Guilvoix, pour tout ce que tu fais pour nous. On a hâte d'entendre tout ce que tu fais et tout ce que tu prépares. On est tous fiers de toi et compte sur nous pour te soutenir encore. Et bisous de tout le compte fan de la Boost Team. C'est Manon, au passage, si tu reconnais. Avec plaisir, merci beaucoup. Non, c'est un plaisir parce que je réponds aux gens qui envoient les messages, etc. Parce que ça me paraît, c'est normal. Donc merci à vous de soutenir, c'est un gros kiff. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est Manon, c'est ça ? Oui. Manon, chérie, est-ce que ça te ferait plaisir d'entendre Boosty faire le Pourquoi tu m'appelles ? Ah bien sûr. Eh ben ça tombe bien parce que c'est maintenant. Pourquoi tu m'appelles ? Qui est à l'appareil ? J'ai appelé personne. Non, mais je t'appelle pas, connard. Bah, je t'ai pas appelé, ma grande. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Alors, je sais que tu nous écoutes de temps en temps. Est-ce que tu connais cette rubrique ? Tu connais pas ? Oui, si, si, bien sûr, je connais. Le principe est très simple. Je te réexplique. En fait, il faut juste appeler au hasard en France et dire pourquoi tu m'appelles et tenir le plus longtemps possible. On peut tomber sur des gens sympas, comme des gens moins sympas. Voilà, c'est une sorte de petite compétition. Ok ? D'accord, très bien, on va essayer. Je propose que Anso ou moi commencions. Oh, bah vas-y, Marion. J'y vais. Allez, je me lance. J'appelle. Il est 23h04. Si t'as besoin, je viendrai à la rescousse. Allez, on fait comme ça. Ça se dit plus rescousse, on est d'accord. Il n'y a que toi qui dis. C'est juste pour être sûr. J'ai la pression. Allô-y. Oui, allô ? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Pourquoi tu m'appelles ? Alors, attendez. Bonjour ? Attendez. Allô ? Je vous écoute. Alors, moi aussi, je vous écoute, mais il y a la télé derrière vous. C'est un peu fort, donc pour communiquer, c'est compliqué. Alors, je vous invite à éteindre la télé. Ah, c'est mieux. Alors, la question que je me posais, c'est pourquoi vous m'appelez ? Je ne vous ai pas appelé, madame. Vous êtes sûre ? Parce que mon téléphone vient juste de sonner, il est 23h05, donc là, ça me paraît quand même hyper bizarre. Du coup, je me suis dit, mince, c'est peut-être une urgence. Donc, est-ce qu'on se connaît ? Est-ce que c'est Patrick ? Est-ce que c'est Gégé, peut-être ? Attendez voir, je m'appelle bien Patrick. Ah, vous vous appelez Patrick ? Oui. Putain, ça c'est un putain de coup de chance, hein. Mais jamais arrivé encore. Et d'accord, Patrick. Et on se connaît du coup ? Pourquoi tu m'appelles ? Je ne vous connais pas et je vous ai pas appelé. D'accord. Bon, bah c'est certainement un bug alors, je m'excuse, hein. Je crois plutôt que c'est un bug. Un quoi ? Un bug, il est parti. Oh, il m'a fait de la peine. Ah, ouais. C'est triste. Bah, oh, bah, en même temps, c'était peut-être sinon un tueur en série. On sait pas trop. Mais mine de rien, gentil patoche, j'ai tenu pas mal de temps. Combien de temps j'ai fait ? 1 minute et 2 secondes. Ah, absolument. Répondez une demi-heure après le gars quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais 1-0-2, c'est pas mal. Hein. Improbable de tomber sur le nom pile du gars, c'est improbable. Quoi. Patrick, quoi ? Ça t'est jamais arrivé, quoi. Et vous le rappelez au standard pour lui expliquer. Bon, Boosty, c'est à toi. J'espère que tu as une stratégie. Absolument pas, non, on va y aller au feeling. Bon, ça va le faire. Je sens que tu vas tomber sur une petite meuf, toi. Allô ? Allô ? Oui. Oui, bonjour, vous m'avez appelé ? Ah non, pas du tout. Non. Ah, d'accord, vous êtes ? Comment ? Vous êtes ? Je suis au lit. Oli, d'accord. Mais vous avez essayé de m'appeler, monsieur ? Ah non, pas du tout. Non. C'est vous qui venez de m'appeler, mon téléphone vient de sonner. Donc Ah mais parce que le mien aussi vient de sonner exactement pareil, donc du coup j'ai décroché. Et Oli, comment ? Bah, je suis Oli, je suis couché, j'étais en train de dormir. Oh, mais bizarre, parce que vous m'avez passé un coup de fil, du coup, donc je comprends pas, vous voulez me dire quelque chose de spécial ? Bah, je peux pas appeler en dormant. Mais oui, mais je dormais aussi, en fait, c'est ça qui est assez marrant. C'est que nos téléphones ont sonné en même temps, et je dormais aussi, et du coup j'ai répondu, parce que vous m'avez appelé. Non, j'ai pas appelé. J'ai appelé personne. Je vous assure que moi aussi, parce que je dormais, mon téléphone était même en mode avion, donc c'est encore plus marrant, quoi. C'est bizarre. Ouais, bah, je sais pas, je comprends pas. D'accord. Vous avez rien à me dire de spécial, du coup ? Non, pas du tout. À part bonne nuit, peut-être. C'est assez marrant, ça, parce que du coup, mon téléphone a vraiment sonné, j'ai juste décroché. Mais j'en sais rien, je saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire non plus, c'est assez marrant, ça, quand même. Il est parti, je crois. Là, on est. Je crois qu'on est, ouais. On est pas mal. Hein. Je sais pas qui. Il était sympa le chien aussi. Grave, je me serais énervé tellement fort, moi, si on m'a réveillé. Ah, mais grave. Ouais. Oh là là. En plus, avec la petite punchline, là, vous êtes Oli. Bon, d'accord. Alors, attention. J'avais pas compris. J'étais personne qui s'appelait Oli, le gars. Bah non. Mais non. J'ai dit Oli comment ? Vous êtes Oli. Thibaut à l'aréa, roulement de tambour. Qui a gagné ? Boosty ! Allô ? Non, mais la barbe. merde, j'ai tout perdu moi ce soir. Oui, mais tu n'as pas perdu ton amour propre. Oh, ça me saoule, j'en ai marre. J'ai rappé, j'ai fait le pourquoi tu m'appelles, il n'y a rien qui vient quoi. Bon. Aussi, bravo, franchement, on a passé un super moment très agréable. Merci avec toi. Merci. Et on a une dernière question pour toi, c'est Jérémy de Paris. Ah bon? Ça va, Jérémy? Ouais. Salut tout le monde, ça va? Salut, tranquille. Salut, vous aussi. Salut. Franchement, mon pote, en live, que ce soit en live ou en musique, franchement, tu cartonnes de ouf. Hein. Merci, ça fait super plaisir. Merci, mec. Tu cartonnes pendant tout l'été en soirée, mais laisse tomber. Cool, ça fait trop plaisir. T'enjaillis tout le monde. Cool, c'était. D'accord, cool, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ouais, pas de soucis. Ouais, j'ai une petite question pour toi. Depuis que t'es célèbre, tu chopes plus de bites qu'avant ou pas? Ah, c'est pas mal comme question. Je chope plus de poulettes qu'avant? Ouais. Ouais. Bon, poulettes, je suis pas sûr d'humour. Ouais. J'ai pas entendu. Il a dit, est-ce que tu chopes plus de poulettes? Moi, j'aurais peut-être dit un terme plus élégant comme gonzesse, par exemple. Voilà. Est-ce que, bah oui, effectivement, depuis que t'es un peu connu, est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça a toujours été avec les filles? Comment ça se passe? Pour être complètement sincère. Ouais. On me reconnaît pas dans la rue, donc je joue pas du succès. J'irai pas jouer moi-même du succès pour. Ouais, non, mais attends, quand draguer. Tu fais des shows et tout, ouais. Les filles viennent vers toi. Horrible. Voilà. Non, non, vraiment, il y a des témoins, non, vraiment, jamais, je. Non, pas du tout. C'est pas du tout mon style. Même vraiment. Pas quand tu sors de concert ou des petites meufs sur Facebook et tout. Je te jure. Bah, vraiment. Moi, non, je le crois. Il vient d'Angers, enfin, à côté, donc voilà. Mais ça, tu sais campagne. Que ça n'a aucun sens ce que si. Tu viens de dire. Bah, si. Genre à Angers, ça marche pas. Parce qu'on profite pas de tout ça à nous, tu vois. On n'est pas dans ce délire. Vraiment, c'est sincère. Bah, voilà, Jérémy. Moi, ta poche, j'en aurais profité de fou. Il y en a beaucoup qu'on aurait profité, mais. C'est marrant, Jérémy, mais à ta voix, on n'en doute pas que t'en aurais profité. Laisse tomber. Hein. Mais mes potes me tannent, mais moi, j'arrive pas et c'est pas mon style, donc je vais pas me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie. Ouais, voilà, je te comprends. Après, chacun son truc, tu vois. C'est. Tranquille, Jérémy. Ouais, voilà, tu vois. Bon, eh ben, Jérémy, t'as eu ta réponse, on t'embrasse, mon pote. Merci, mec. Bonne soirée. Merci. À vous, bonne soirée. Bisous, salut, mon pote. Merci, mec. Bisous. Et toi, Boosty, on va t'embrasser aussi. On rappelle que le titre Feel Alone, bah, plus de 2,4 millions de vues sur YouTube. Ça, c'est beau. Merci. Merci. On est fiers de toi. Popcorn, le dernier single, on est à 1,5 million sur YouTube, pas mal du tout l'histoire. Moi, je suis fière de toi comme si t'étais mon fils. Merci, c'est bien ça. Sache que les auditeurs de Fun, c'est prouvé, c'est acté, adorent tes chansons. Avec trop plaisir. Tu cartonnes ici, donc t'es le bienvenu dans cette émission bah, quand tu veux. Peut-être pour la sortie du premier album, on sait jamais, pour les fêtes, tout ça. Trop plaisir, ce serait top. Si tu as éventuellement un dernier mot bah, pour tous les gens qui t'écoutent, c'est le moment. Ah oui, donc un gros merci à ceux qui me soutiennent. Ouais. Et du coup, merci au Night Show parce que j'ai passé une super soirée avec vous, ça fait super plaisir. Et bah, tu sais quoi, le Night Show va t'applaudir. Bravo, Boosty! Yeah, yeah, yeah. Il est formidable! Merci. On se revoit bientôt, merci beaucoup, Boosty. Et puis, nous, dans un instant sur Fun Radio, on aura Zach au téléphone. On vous en a parlé déjà en début d'émission. Zach, il lui est arrivé un truc hyper cool. Il a sauvé quelqu'un de la noyade. Oh oui. Si vous avez déjà été comme ça, héros dans votre vie, appelez-nous 01 42 48 5000. On se retrouve juste après Mike Perry sur Fun Radio. C'est une bombe, ce titre. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe, I let you in. Keep me warm underneath my skin. Cause I'm not afraid to de Mike Perry sur Fun. Il est 23h13, c'est Marion et Enzo. Boosty vient de partir, on va vous mettre toutes les vidéos là sur la chaîne YouTube Marion et Enzo. Et là, c'est le moment d'entamer le gros dossier du soir. On avait déjà fait une session l'année dernière, il y a d'ailleurs une vidéo de dispo là sur YouTube. C'est la session héros. Si vous avez sauvé la vie de quelqu'un ou si vous-même vous avez été sauvé, appelez-nous 01 42 48 5000 parce qu'on aime bien ces petites histoires qui nous donnent comme ça du frisson. Ah, puis quelque part un petit peu du baume au cœur. C'est Zach de Poitiers qui a sauvé quelqu'un. Bonsoir Zach. Bonsoir les filles, bonsoir à toute l'équipe. Zach, sois le bienvenu. Ça va Zach? Merci. Bah alors, écoutez, nickel. Raconte-nous, petit héros, qu'est-ce qui s'est passé? Bah concrètement, j'étais en boîte de nuit. J'étais le SAM, donc ça commençait par sauver mes potes déjà. Ça c'est bien déjà, c'est vrai. Ça c'est voilà. Bien. Et ça... du coup, ça a bien porté son nom sans accident mortel. Parce qu'en sortant de la boîte, je mets une clope. Il y a des nanas qui sont venues me voir, comme quoi un gars était tombé dans un fossé. Ouais. J'ai fait bon, un fossé, c'est pas bien grave, il va pas tomber bien plus bas. J'ai dit, bon. Ouais, mais il y a de l'eau. Qu'est-ce que t'appelles un fossé? Mais en fait, c'est la Sèvre Nantaise, qui fait 6 mètres de long sur 4 mètres de fond. Ouais. Enfin, 6 mètres de large, et il y a du courant. Et du coup, j'ai entendu le mec gueuler. Donc j'ai été voir, j'ai appelé les videurs pour qu'ils viennent m'éclairer. Ouais. Et j'ai pas, on était au mois de décembre, j'ai pas vraiment réfléchi. En fait, j'ai enlevé mes pompes et j'ai sauté dedans pour le sortir de là parce qu'il était complètement bourré. Ah, c'est beau. Donc voilà. D'accord, donc t'as réussi à le sortir de là tout seul? Ben, j'ai réussi à le sortir jusqu'à la berge. Et après, pour le hisser, des gars qui sont venus m'aider parce que y a un peu 1m50 de berge. Ouais. Et c'est que de la boue, donc ça glisse et ça se déchait. C'est pour ça qu'il a voulu aller pisser au bord de l'eau et en fait, il est tombé parce que la berge s'est effondrée sous ses pieds. Mais du coup, Zach, quand tu l'as remonté de la berge, il était conscient ou inconscient? Tu lui as fait du bouche à bouche et tout? Non, il était conscient. Il était complètement bourré, était conscient, il était froid, très froid, parce que l'eau était vraiment pas chaude. Ouais. Énervé parce que en l'attrapant, j'ai déchiré sa chemise. Bon, il est gonflé, lui. Ouais. Voilà, donc il avait 3 grammes, quoi. D'accord. Eh ben, donc, en tout cas, bravo, parce que t'as cumulé cette soirée-là. Hein. Ouais, Sam, celui qui conduit, celui qui boit pas. Hop, on sauve quelqu'un de la noyade. Il manquait plus que les chiots et les chatons. Ouais, c'est et ça. On était sur un sans faute. Bravo, mon Zach. Ça aurait pu être sympa. Merci. Ouais, franchement, bravo, mon pote. Vraiment. Comment on se sent après avoir sauvé la vie de quelqu'un? Honnêtement, sur le moment, tu réalises pas tout de suite. Je veux dire, ça paraît normal. C'est un peu comme aller faire ses courses. Ouais. Mais la base, tu vois, on se dit toujours, moi je pourrais pas. Mmh. J'aurais été le premier à dire, non, c'est mort, je saute pas à la flotte, elle est froide. Et en fait, quand tu vois quelqu'un qui est, tu te dis, il va canner, tu y vas instinctivement, quoi. Voilà, c'est direct. Ouais, enfin, l'instinct, tout le monde n'est pas comme ça, en fait, Zach, en réalité. Hein. L'instinct, il vient pas. Le nombre d'histoires à Paris où des filles se font agresser dans les métros, tout ça, ouais. Et personne ne bouge. Personne ne bouge, les gens filment. Enfin, les gars, réveillez-vous. Après, je veux bien croire, parfois, t'as du mal à intervenir. Tu te dis, je vais me faire frapper, tout ça. Mais enfin, quand même, tu filmes pas, t'appelles la police, tu te mets à plusieurs, tu fais un truc, quoi. Ouais. Donc, non, tout le monde n'est pas un héros, Zach. Bravo, Zach. Zach, en tout cas, tu es le héros du Night Show. À 23h17. Et on t'embrasse très fort. Ouais, moi aussi, je vous embrasse fort. Bisous. Zach. Bisous, l'équipe. Qui dans cette équipe a déjà sauvé la vie de quelqu'un? Levez la main, tous. Ouais. Allez, Amir, on commence par toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, j'ai sauvé une gamine de la noyade, une fois. C'était en Turquie, je me souviens. Comment t'as fait? Tu lui as tendu un sourcil? Oh non. Oh non. Ah si. Bravo Marion, wow. Tu me la prends. Reine de la vanne, ouais. Ce soir. Check Enzo. Bravo Marion. Merci. Bien joué Marion. Bravo. Ouais, merci. Alors, rien Michon. Pour cette vanne, la prochaine fois la petite je la laisse se noyer. Non, raconte, qu'est-ce que t'as fait vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, on était il y avait un bateau, c'était un truc de vacances là. Mm-hmm. Et il y avait un bateau, on devait sauter, c'était une espèce de, comment on appelle ça là, les trucs un ponton? Non, on avait fait une excursion, voilà. Ah oui, d'accord. Et bien puis on n'était pas nombreux. Ouais. Et donc moi je m'amusais, j'avais un truc à tuba, donc je m'amusais à partir un peu loin. Et en fait au loin, derrière un rocher, il y avait une petite qui était partie elle aussi loin avec sa bouée. Sauf que malheureusement, sa bouée s'est percée à cause des rochers. Bichette. Ah, alors t'as fait quoi? T'as nagé jusqu'à elle? Eh ben en fait elle était à côté de moi, et si tu veux, vu que j'avais la bouée, j'entendais des cris. Ouais. Et en fait on était cachés vraiment derrière le rocher, je l'ai prise dans mes bras. Ouais. C'était une vraie galère, je suis pas sauveteur. Et du coup je connais pas vraiment la technique pour prendre quelqu'un, quoi. Faut faire la planche. Ouais, j'essaie de faire tout. Mais... C'est vrai, en plus. Non, c'était hyper galère. Mais du coup, il se trouve que par la suite, je l'ai prise entre mes bras et j'ai nagé avec mes pieds. Et vu que j'avais le masque de tuba, en fait ça allait très bien. D'accord. Et on est remonté sur le bateau et ses parents m'ont dit merci. Et bravo Amir. Qui d'autre avait une histoire de noyade? C'est toi Yannick. Ouais. Tout le monde en fait. Attendez, excusez-moi, parce qu'il y a les trois garçons qui lèvent la main. Vous avez tous sauvé des gens de la noyade. Est-ce que cette équipe ne serait pas constituée que de maîtres nageurs sauveteurs? Yannick, vas-y, explique-nous. Moi, c'était sur le port de Cannes. D'un coup, je vois un regroupement. Et là, les gens regardaient une personne en train de se noyer. Franchement, j'étais choqué. Ouais. Et la personne, elle était accrochée en fait aux, vous savez, les fils pour tenir le bateau. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté et j'ai remonté la personne. Bah wow. Bravo Yannick. Attendez, parce que vous voyez pas Yannick vous derrière votre radio. Et sachez que le gars se vénère, mais quand il parle, et j'ai vu là. J'ai compris quoi, les gars. J'imagine courir sur la plage. Bah oui, moi je l'imagine. Non, merde. Okay, t'es un héros. Thibaut, toi aussi, la mer, la noyade, tout ça. Ouais, vous voyez ce que c'est que le kitesurf? Oui. C'est merci. Genre une planche avec un cerf-volant. Merci. Et bah, pour un con en fait. Et donc? Et bah en fait, il y avait un kitesurfer qui commençait à se noyer sous sa voile. Ouais. Et du coup, j'ai nagé, j'ai sauté du ponton, hop, et il n'arrivait plus à sortir, je l'ai nagé. J'ai pris et j'ai ramené sur la petite île où on était. Et après, bah, du coup, il m'a dit merci, ma soeur s'est tapée. Voilà. Arrête, c'est vrai? Ouais. Franchement, ah bah, gosse, vous dans la famille, vous sauvez les gens, puis vous voulez taper après. Quoi. Bah, c'est il capitalise, quoi. Voilà. On y va, quoi. Bravo, les gars, on est fiers de vous. Et bravo, le veau. Il y a Gwendoline de Nice qui est avec nous. Bonsoir, Gwendoline. Bonsoir, les filles. Bonsoir, tout le monde. Et bienvenue ici. Hein. Ça va, Gwendoline? Bah oui, et vous? Oui, est-ce que toi aussi, quelque part, tu es un peu une héroïne? Un petit peu, on va dire. Raconte. Et bien, en fait, il y a eu une femme enceinte pendant que j'attendais le train qui a fait un malaise. Et en faisant son malaise, en fait, elle est tombée sur le côté des voies du chemin de fer. C'est chaud ça. Ah ouais. Et du coup, bah comme j'étais à quelques mètres, j'ai alerté les gens de suite en criant bah au secours, venez. Enfin, tu vois quoi. Et avec leur aide, et ben du coup, on a remonté la femme et du coup, on a pu sauver deux vies, celle de la maman et celle de son futur bébé. Avec le raid. Ah, avec leur aide. Ouais. Avec leur aide. Ah, je crois que c'était leur aide, moi. Non, avec leur aide. Franchement, ça s'applaudit. Bravo, bravo. Ouais, franchement, ouais. Bah, et puis, merci aux gens, surtout, aussi. Ouais, faisons un film. Hein. Bah non, mais c'est vrai, c'est une belle histoire. Moi, j'aime bien ça. Et j'imagine qu'elle était hyper émue et elle t'a remercié mille fois. Ah, mais c'est clair, elle avait les larmes aux yeux. Enfin, beaucoup d'émotions. Moi, je tremblais partout. Oh, enfin, bon. Bah, franchement, Gwendoline, tu sais quoi, moi, j'aimerais bien dire ça. Moi, j'ai jamais sauvé personne. Mais moi non plus, j'étais en train de me dire, moi mon rêve, alors vous allez dire c'est un peu égoïste, mais c'est de sauver un animal. C'est pas une personne. Je rêve de sauver un petit animal. Bah, c'est pas du tout égoïste, moi aussi je rêve de sauver des animaux. Oui, mais préférer les animaux aux êtres humains, tu vois ce que je veux dire. Mais je rêve de trouver un petit animal en détresse, tu vois. Mais comme quand tu vois dans les. Quoi? Personne n'a dit que tu préférais les animaux aux êtres humains. Hein. Oui, je sais, mais bon. Et du coup, comme quand tu vois dans les vidéos où tu vois un cerf coincé, et là, il y a plein de gars qui essaient de le décoincer, tu vois. Ouais. Et moi, j'aimerais trop être là-dedans, quoi. Ouais, et que le cerf te dise merci Marion. Et après, je l'adopte et tout. Et après, la sœur de Thibaut va le pécho. Et voilà. Mais toi, tu as failli y passer. Ah, quelqu'un t'a sauvé. Les gars, j'ai failli y passer, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé à J'ai failli clamser, les gars. Raconte. J'avais 8 ans, 9 ans. J'étais en Espagne et j'étais au resto avec mes grands-parents et je mangeais un bout de jambon. Voilà. Et puis, bah, en fait, le gras du bon ne s'est pas détaché. Donc, j'ai avalé un bout de jambon qu'il fallait pas. Et donc, du coup, je m'étouffais et ma grand-mère est venue, super mamie, m'enlever le bout de gras de la bouche. Ah bon? Avec ses doigts? Bah oui, quoi tu veux. Ah, elle a pas fait comme dans les films, elle t'appuie sur le ventre et. Non, parce qu'il était dehors en fait. Et il y avait une grosse partie à l'intérieur du corps et l'autre partie dehors parce que je savais pas mâcher visiblement. Ah, mais c'est dégueulasse, elle l'a retiré comme ça de ta bouche. Oui, bah j'avais 8 ans. Depuis, j'ai appris ce qui était mastication. Mais ça marche, hein, la technique où tu prends ton pote par derrière et pouf. Bien sûr, ça marche. J'adore cette phrase. Ouais. Si vous nous rejoignez sur Fun Radio, on parle de sauver la vie des gens. Ouais, on parle pas d'autre chose. On met les deux points sur le ventre et puis on monte vers le haut. Et là, ça sort par le trachée. Oui, ça s'appelle la méthode de Amlich. Eh ben, tu sais quoi, Amlich, on l'aime bien. Ouais. C'est pas marrant pour toi. Bah si, ça m'a fait rire. Qu'est-ce qu'il y a, Enzo? Moi, quand j'étais petit, quand j'avais 4 ans, ma sœur m'a sauvé. On avait un petit bassin chez moi avec plein de poissons. Je suis tombé dedans et ma sœur, elle avait juste 5 ans du coup, et elle m'a tiré et je suis resté 2 minutes dans l'eau, j'ai failli mourir. Ah bon, c'est vrai, ouais, cette histoire? C'est vrai, exactement. J'avais carrément oublié de vous le dire. Mais attends, t'es resté en apnée. Bah, merci. Non, mais du coup, après, on a appelé les pompiers et tout, et ça allait quoi. Mais heureusement qu'elle m'avait vu tomber dans le petit bassin, parce qu'en fait, c'était un bassin qui faisait 1m20. Et mais je faisais à peine 1 mètre. Mais c'est hyper dangereux, hein, ouais. Mais c'est des enfants auprès des piscines, des bassins et tout, parce que ça se noie dans rien, l'enfant. C'est vrai. Mais quand vous étiez en primaire, au collège, c'était pas votre kiff que les pompiers viennent vous chercher en classe et tout? Ouais. Oh, non. Bah non, mec, non. Yannick. Pas du tout. Pour les entorses. Ah ouais. Les entorses. Non, mais attendez, les gars, non. Ah si, moi c'était mon kiff. Un jour, j'ai avalé un bonbon de travers. Et du coup, les pompiers sont venus me chercher. Mais tu peux pas dire que tu kiffes que les pompiers viennent te chercher, enfin, ça n'a aucun sens. Amir, il est toujours comme ça, tu vois, toujours. il lance des trucs. Bah non, mais c'était stylé parce qu'ils étaient venus me chercher. Et puis, du coup, le lendemain, tout le monde m'a dit est-ce que ça va? Mais oui, parce que tu provoques l'intérêt, ouais, évidemment. Ouais. Et puis, c'est le côté le camion, tout ça. Ouais, quoi. C'est ça. Et puis, j'ai dit ouais, j'ai fait ouais, voilà, plein de trucs. Ouais, genre, t'es un survivant, quoi, c'est ça. Ouais, voilà, c'est n'importe ça. Quoi. Oui, Enzo. Le mieux, c'est quand t'es malade et que ta maman vient te chercher en voiture. Bah non, ça c'est pourri. Vous avez vécu ça ou pas? Bah non, ça fait fragile. Et surtout, c'est la merde quand tout le monde est en cours et que personne le voit, c'est vrai que ça n'a aucun intérêt. Hein. À moins que ta mère vienne avec un gyrophare, si tu veux, mec. C'est à chier ça, mec. Mais non, mais moi je faisais semblant d'être malade pour rentrer chez moi l'après-midi. Voilà, d'accord. Ah, mais ça faisait bizarre quand la porte de ta classe s'ouvre et tu vois ta mère ou ton frère ou ta soeur. Ça... Non? Mais non, mais moi ils m'attendaient en bas. C'était quelle école vous aviez? Je sais pas, ils ont une scolarité différente. Non, laisse tomber. Bah nous c'était il y a pas longtemps, c'est tout. Ouais. Peut-être. On a Gabriel de Lyon qui a sauvé une vie. Bonsoir à Gab. Salut Marion, c'est Enzo. Ça va Gab? Ouais, nickel, et vous? Bah ouais, très bien, qu'est-ce que t'as fait toi? Raconte-nous. Moi j'étais dans la rue et une personne qui voyait pas très bien, une personne âgée. Et en fait, une voiture qui arrivait vite et elle a failli renverser la personne. Et en fait, moi j'ai réussi à pousser la personne en fait pour pas qu'elle fasse renverser par la voiture qui arrivait vite. Ah c'est beau ça! Ah oui c'est beau. Elle s'est pas fait mal quand même quand tu l'as bousculée? Non, ça l'a un peu surpris, mais ça ne lui a pas fait mal. Comme dans les films. Mais ça, faut y aller quand même, hein. Se jeter et pousser la personne, parce que tu risques aussi de te faire écraser, quoi. Oui, voilà, exactement. C'est courageux. Puis tu risques aussi de tuer la personne en la faisant la bousculer. Bah oui, donc bravo. Et est-ce qu'elle t'a remercié? Comment ça s'est passé après? Après, elle m'a remercié, elle m'a filé un petit billet pour avoir sauvé. Bah, et tu l'as pris, toi? Bah, oui. Ah oui, d'accord. Bon, bah, moi, je sais pas si j'aurais pris. Ça dépend, c'est un billet de combien, Gab? C'est un billet de 20. Ah oui, ça va. Pas dégueu, 20 balles quand même. Ouais. Bon, et ben félicitations. Bravo, Gab. Okay. On merci t'embrasse. Beaucoup. Bisous. Bisous. On a Théo aussi qui est à Toulouse. Théo, il a 15 ans. Il a déjà sauvé une vie à 15 ans. C'est fou, ça. Bonsoir, Théo. Salut, Marion. Je viens de saluer toute l'équipe. Salut. Ça va, Théo? Ça va, et toi? Ben ouais. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse? Ben en fait, j'étais en cours de maths et mon prof s'est énervé, a engueulé l'équipe, la classe, et il a fait un arrêt cardiaque. Non. Et sur le coup, en fait, tout le monde était sur le cul, puis moi j'ai pas réfléchi, j'ai fait une espèce de massage cardiaque en attendant que les pompiers arrivent. Ah, c'est bien. Mais tu lui as fait un massage cardiaque ou un espèce de massage cardiaque? Ah oui, mais... En fait, je suis pas pompier, donc je sais pas trop quoi faire. J'ai fait un peu comme dans les films où j'ai massé, ça a tenu envie. Mais parce que Théo, t'avais jamais pris de cours, tu sais, de gestes de survie, tout ça? Si, mais on voyait pas forcément l'arrêt cardiaque, quoi. Ah ouais. Ah, c'est beau, franchement, parce que là aussi, moi, j'aurais peur de mal faire. Moi, j'ai jamais pris, malheureusement, des cours. Enfin, si, peut-être une fois, mais je me souviens pas. Et du coup, je sais où il faut à peu près appuyer. Mais le rythme et tout ça, je sais pas, donc faudrait que je me renseigne. Bah moi si, ça fait 1 et 2 et 3 et 4, c'est ça. Ouais, mais tu sais, dans la panique et tout. Je respecte, j'appuie, c'est tout. Moi, tu sais, je vous avais déjà raconté que mon père avait fait ça dans le salon de coiffeur de ma mère, un client était mort. Ouais. Non. Et mon père, je vous ai jamais raconté si, ça. Si, si, redis. Si, si, bah, elle a coiffé un client, il est tombé, il a fait une crise cardiaque, puis mon père est arrivé et. Il a fait un massage cardiaque. Oh. Bon, ça n'a pas marché. Ben, c'est qu'il est mort. Il était mort sur le coup. Ah oui, d'accord. Mais les pompiers lui avaient dit à ma mère, c'est bien de l'avoir fait, même si on ne sait pas le faire. Ouais. Parce que ça peut faire repartir le cœur. En soi, le massage cardiaque, c'est juste pour que le sang puisse continuer de passer dans le corps. Hein. C'est pas pour réanimer le cœur. C'est pour maintenir, quoi. Mais la question que tout le monde se pose, mon pote, est-ce qu'après, tu as eu que des bonnes notes ou pas? Non. Ben, mais pourtant, bon, tu lui as sauvé la vie. Hein. Mais non, on sentait que. À la base, je ne suis pas. Un élève qui reste sage pendant le cours et il me passait certaines choses. Ah oui, d'accord. Ah bon, ça va. C'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. Eh bien, écoute, Théo, tu sais quoi? On a envie de te dire bravo, on va t'applaudir, Théo. Bravo! Bravo! Bravo, yeah, yeah. Champion, Théo! Bien joué! On t'embrasse. Bisous. Bisous. Amir, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a de la réac avec le hashtag Le Night Show? Bien sûr, Pyro Statos qui dit, je sais pas si je vais sauver la vie, mais je suis intervenu alors qu'un collègue se faisait frapper par les ados. Ah, c'est bien, d'accord. Ça. Bien sûr, c'est cool. Le petit Jean de la part de Hatt Lotillier. Deux élèves dans mon lycée ont sauvé une fille de deux arrêts cardiaques. Allez voir. C'était à Nancy. La petite, elle s'appelait Jessica. D'accord. Au lycée Chopin. Donc, bah, bravo aux deux petits gars quand même. Hein. Ah ouais, carrément. C'est hyper courageux. Buck dit, Nanou 06, ma mère de l'étouffement. Ça fait drôle. Ah ouais, il a sauvé sa mère. Ouais. D'accord. Ça, t'imagines le truc de ouf, quoi. Et Valentin 31, j'ai sauvé mon petit frère de 2 ans. D'un étouffement, il avait avalé une cacahuète de travers. Ah ouais. Bah bravo à c'est toi. C'est hyper dangereux hein, sur les enfants, faut pas leur demander à manger des trucs gros quoi. Et attends, c'est énorme parce qu'il y a Yannick qui vient de m'envoyer une application. Il y a une application pour apprendre à faire un massage cardiaque. Ouais. Ah ouais. C'est hyper cool, raconte Yannick, c'est quoi, c'est gratuit ? Ouais, c'est gratuit et en fait ça donne le rythme, vous savez, pour faire le massage cardiaque. Ouais. Et voilà, si on la télécharge, elle est gratuite et c'est très important parce qu'on sait jamais, ça peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment. Alors ça s'appelle Massage Cardiaque et DSA. Voilà. On va vous la faire tourner cool, sur les réseaux. Franchement, c'est un bon truc, ça. Je vais le prendre, moi. C'est cool. Et puis, à savoir quand même que dans tous les lieux publics, maintenant en France, quasiment, il y a des défibrillateurs. Ouais, oui, c'est vrai. Dans les trains, ainsi que partout dans le monde. Faut pas hésiter, quoi. Est-ce qu'on demande à Pépère s'il a déjà sauvé une vie ou est-ce qu'on s'abstient ? Demandons. Allez, demandons. Bah Pépère. Oui, qui ne tente rien à rien. Dis-nous. Qu'est-ce que t'as fait ? Bah, une fois, Pépère, il a été sauvé de la noyade par une dame. En fait, elle avait des gros seins et je me suis accroché à ses bouées. Ah bah, c'est super. Et j'espère que tu l'as remercié au moins. Bah oui, Pépère, il a été tellement fort d'ailleurs que maintenant, on l'appelle Alette à Malibu. D'accord. Donc maintenant, Pépère, il fait du jeu de mots ? Oui, bah, Pépère est dans la vanne. Ah bon, bah écoute. Pépère s'entraîne. J'ai l'impression surtout que Pépère est en pleine forme ce soir. Oui, oui, oui. Non, mais les gars, Alette à Malibu, quoi. On en est là. Vraiment, on en est là. Ouais, allez, bougez pas dans un instant sur Fun Radio. C'est le Pokélost qui va débarquer. Et pour le son tout de suite, mais c'est bon ça. Maître Gims et Jul tout de suite, c'est boucan sur Fun Radio. Que faire de tout ce qu'ils disent ? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs t'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, puis passe par ici. C'est plus Denis, mais Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimes à l'épuissance. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, doudou, doudou, il est yo, yo, yo, yo. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Dans un monde où l'ami vient l'ennemi, l'ennemi vient l'ami. On n'est pas dans la merde. On est dans sa folie. Folie, folie, folie, folie. Toute la nuit j'ai esquivé les ennuis. Toute la nuit j'ai esquivé les ennuis. Alors ma jolie, on a cœur démoli. On est dans sa folie. Folie, folie, folie, folie. Toute la nuit j'ai rôdé dans Paris. Avec Fédic, Dadju et Darcy. Hey! Yeah. on est ensemble jusqu'à minuit. Et vous savez que le concours FIFA 17 pour gagner le jeu court toujours sur Twitter. Il suffit de suivre le compte Allo Paradise et puis de retweeter. On fera un tirage au sort tous ensemble dimanche soir dans l'émission. Oui, et on vous a mis la vidéo de notre soirée de lancement FIFA 17 là avec notre rencontre avec Tony Yoka en ligne. Qu'est-ce qu'il est sympa. Oh, bah il est beau, bah, je crois qu'il est amoureux de moi de toute façon. C'est sûr. Le Pokélost. Pokélost. Pokélost. Sur Fun Radio. Je voulais passer un message qu'on a reçu sur la page Facebook Marion et Anso d'un auditeur qui avait un coup de gueule à faire passer. Ah bon ? Cet auditeur s'appelle Timothée, Timothée Martin. Qu'est-ce qu'il dit ? Timothée Martin nous dit « Les filles, bonsoir, j'ai failli perdre la vie tout à l'heure à cause d'une personne en voiture jouant à Pokémon Go alors que c'était à moi de traverser. Heureusement que j'ai fait un pas en arrière, cela fait deux fois en une année. Un conseil, ceux qui conduisent, ne jouez pas en même temps à Pokémon Go un jour. » Ça nous coûtera la vie. Eh ben, il a bien raison. Et l'application disparaîtra. Bravo Timothée, Timothée président. Bravo. Oh, oh, oh. Bon, ça va pas nous empêcher de jouer au Pokélost, rassure-moi. Bah non, évidemment. Ah, le Pokélost, la règle est très simple. Vous faites croire à papa ou maman que vous êtes perdu en train de chasser du Pokémon. Ah. Ça vous permet cette semaine de gagner 400 euros de fringues chez American College. C'est énorme. Plus le film en DVD vers Émeraude, la totale, quoi. Sébastien joue avec nous ce soir. Ah bon. Sébastien joue depuis une ville. Qui s'appelle Être. Bonsoir Sébastien. C'est ça, tout à fait. Ça se dit bien comme ça Seb ? C'est Étré, hein. Ça se dit Étré. Ah oui, Étré. Étré. Ok, c'est sympa comme ville ? C'est sympa, c'est surtout à côté, juste à côté de La Rochelle, donc c'est ça qui est sympa. C'est... Ah non mais La Rochelle c'est hyper cool les gars, j'ai fait des teufs, j'ai des souvenirs là-bas, je ne vous dis que ça. C'est toujours magnifique quoi. Bon, et du coup on va piéger qui ce soir, papa ou maman ? Maman. Ah, j'aime bien les mamans. Ok, elle, enfin j'aime bien les papas aussi. Elle s'énerve vite, maman. Elle s'énerve assez rapidement, ouais. Et elle s'appelle comment ? Sylvie. Sylvie. Ah. Ok. Est-ce que tu as une stratégie ? Est-ce que tu sais où est-ce que tu vas être perdu ? Tout ça. Ouais. Bon, ouais, eh ben écoute, on va découvrir ça. Ouais. Concentre-toi, essaie de la faire un peu paniquer. Nous, on est là, on rattrape le coup comme d'hab après. Okay. On appelle Sylvie. La Sylvouche. J'essaie de trouver un jeu de mots avec Sylvie, Sylvie Vartan. Non, c'est pas un jeu de mots. Bah non. Référence de vieux sur Twenso. La barbe. Allô ? Allô, maman ? Oui ? Ouais, j'ai un souci, là. Je vois un Pokémon Go et du coup, je suis arrivé du côté de Mireuil et impossible de retrouver mon chemin. Je suis complètement paumé. Je me suis planté à un endroit parce que y a un camp à côté, là. J'ose pas bouger, là. T'oses pas bouger, attends, t'es grand Je me suis approché parce qu'il y avait un Pokéstop juste à côté et... Un Poké quoi ? Un Pokéstop. C'est, tu sais, pour attraper les Pokéballs. Ah non, tu me dis pas que t'es en train de chasser ça. Bah si, je m'y suis mis à fond. Hein. Tu t'es mis quoi ? Bah, j'ose pas bouger, je suis coincé là, je sais pas. Mais t'es coincé dans quoi ? Je sais pas quoi faire. Y'a pas moyen que tu viennes me voir, me chercher ? Non mais je vais venir te chercher là. S'il te plaît, c'est pas. J'ose pas bouger là, je suis dans mon buisson, je sais pas quoi faire. T'es dans un buisson ? Il y a des J'ai gens peur. Que c'est toi. Hein ? T'as peur de quoi ? Il y a des gens que c'est toi, ils font quoi ? Bah je sais pas, ils se rapprochent de moi là. C'est futé. Mais pourquoi tu m'appelles moi ? Appelle la police. Va me chercher, s'il te plaît. On est sur la roquette là. Faut qu'on fasse demi-tour. S'il te plaît, maman, allez, j'ai peur là. Bon bah Laurent, fais demi-tour, fais quelque chose. S'il te plaît. S'il te plaît, viens. Écoute, faut qu'on fasse demi-tour et on arrive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Mais t'es où, Mireille ? Oh là là. Je sais pas. Attendez, attends, Sébastien, deux secondes. Parce que là, on peut pas faire demi-tour sur la rocade. Moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux. C'est trop dangereux, il est temps d'intervenir. Bonsoir, Sylvie. Allô ? Oui. Bonsoir Sylvie. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer là sur la route prévue puisque tout va bien. Il n'est pas perdu, Seb. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Oui, je sais, c'est un petit peu bizarre comme ça, mais vous êtes en direct sur Fun Radio, le son dance floor, tout ça. Si, il vient de vous piéger. Non ! Si ! Et alors, attendez, Sylvie, si je puis me permettre, Sébastien, j'ai envie de te décerner le César du meilleur acteur. Ah oui. Ah oui, oui, alors. Bon. Tu joues particulièrement bien la peur. Maman, j'ai peur, viens me chercher. Ah oui. Ouais. Oh là là, je ne sais pas où je suis, maman. Maman, viens. Mais bon, on a senti que quand même t'étais stressée. Mais Sylvie, vous y avez cru ? Ah ben oui, mais complètement. Mais je commence à transpirer là. C'est oh la pauvre. C'est pas vrai, alors. Sylvie, c'était un jeu qui s'appelait le Pokélost. Il devait juste vous faire croire qu'en fait, il était perdu en train de chasser du Pokémon. Vous, vous deviez dire j'arrive, je viens de chercher. Vous l'avez très bien fait. Du coup, eh ben il a gagné. Bravo. Bravo. Merci. 400 Merci euros beaucoup. De bon d'achat pour American College et puis le DVD du film Vert Émeraude. Ah, c'est énorme. Merci beaucoup, Fun. C'est vous les meilleurs. Ah, t'es un buzz. C'est vous les meilleurs. Et Sylvie, ça va ou pas? Oui, ça va mieux. Mon mari ne fait pas de mission, là, c'est bon. Bon, et ben parfait. Vous êtes des super parents. On vous embrasse très fort tous les deux. Merci. Bisous. Salut, Seb. On t'embrasse. Salut, merci. Bisous. Merci beaucoup, bisous. Dans quelques minutes sur Fun Radio, nous allons parler sexe et nous allons plus particulièrement parler légendes urbaines sexuelles. Puisque oui, il y en a plein des légendes. Ouais. Alors, Anso, toi, t'as ta petite préférée. Non. Si. Alors, en fait, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps en plus. Il paraît que les femmes peuvent mourir si on leur souffle trop longtemps dans le vagin. Voilà. Mais je crois que c'est un vrai truc. Et bien, justement, on va vous dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Légendes urbaines sexuelles, appelez-nous si vous en avez. 01 42 48 5000. On en parle juste après. Sia, oh bah, si elle savait, elle serait contente. J'aimerais faire un bisou à tous les gens qui sont sur la route et qui nous écoutent. Les routiers, les urgentistes, même les agents de sécu, vraiment tout le monde. Big up à vous les infirmiers, et tout le monde. Les charcutiers aussi, on n'y pense pas assez. Oui. Il y a peut-être des charcutiers. Bah, numéro un sur les charcutiers. Non, mais c'est vrai. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh ben, les boulangers, les charcutiers, tout le monde. Big up à vous et à ceux aussi qui nous écoutent dans leur lit en cachette, parce que normalement, à 23h42, on est censé dormir quand on a cours le lendemain. Oui, mais on dort pas parce qu'on va parler de cul. Ah ouais. Et quand on parle de fionfion, les gens, ils aiment bien. On va parler des légendes urbaines sexuelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une légende urbaine? Anso, comment tu pourrais définir ça? Une légende urbaine, c'est une légende urbaine. Hein. C'est-à-dire que c'est une histoire qui n'a jamais existé, alors que tout le monde croit que ça a existé. Alors, on sait pas. C'est une histoire qui a existé, en fait, mais on n'a pas la preuve. C'est-à-dire que ça a été tellement colporté et tout ça. On ne sait pas si c'est vrai, mais c'est des histoires hyper courantes. Ouais, mais on part souvent d'un truc de départ qui a été grossi en fonction des gens à qui tu le racontes. Tu vois. En gros, c'est une histoire moderne se rapprochant du mythe. Voilà. Merci Wikipédia. Du coup, il y a des légendes urbaines du sexe. Je vais vous les dire. Vous allez me dire si, selon vous, bah, elles sont crédibles, elles sont vraies. Il y en a des extrêmement drôles. Ah, vas-y, Marion. Vous avez déjà entendu, à mon avis. Distributeur automatique de petites culottes. Est-ce que ça vous parle? Pas du tout. Ça se passe au Japon. Un homme est tombé sur un distributeur automatique improbable. Alors, c'était pas des sodas, des locations de films, tout ça. Non, c'était des petites culottes. Mais... sauf que peu de gens ont croisé le chemin de ce distributeur. En gros, elle ne reste en place que le temps d'un client, puis disparaît. Elle réapparaît, puis disparaît. C'est comme ça que ça se passe, ce serait au Japon. Et là-bas, tout le monde y croit. Mais quel est le... je ne comprends pas. Eh ben écoute, je pense que c'est des gens qui installent comme ça le distributeur et puis qui l'enlèvent pour pas non plus qu'ils se fassent dévaliser, j'en sais rien. Mais il paraît que ça existe. Faut quand même bien se faire chier quand même, non? Je sais pas, mais c'est la légende urbaine du Japon. Moi, je trouverais ça hyper marrant en tout cas. Bon, eh ben écoute, moi aussi je prends. Je serais pas à l'abri de m'acheter une petite culotte comme ça. Pourquoi pas? Alors celui-là, c'est ma préférée. La vengeance à la super glue du mari trompé. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ça? Bah non, c'est pas possible. Ça s'est passé en Espagne, soi-disant. Un homme était au courant que sa femme le trompait. Du coup, muni d'un pistolet et d'un tube de superglue, il a décidé d'attendre comme ça sa femme et l'amant de sa femme. Sous la menace du pistolet, écoutez bien, il a obligé sa femme infidèle à s'enduire la main d'une colle extra forte et à empoigner fermement le sexe de son amant. Du coup, forcément, ils sont restés collés et ils ont dû subir une intervention chirurgicale. C'est horrible. Alors elle s'en est sortie avec une main bandée et lui, par contre, il ne peut plus avoir d'érection. Pareil, en Espagne, cette histoire est extrêmement courante. Tout le monde y croit. Mais j'avais jamais entendu parler de ce truc. Hein. En même temps, il y a tellement de faits divers de ce genre-là, des femmes énervées qui coupent le pénis de leur mari, tout ça. Pourquoi pas ça? Oui, mais ça, c'est vrai. On sait que c'est vrai. Ça arrive souvent, quoi. Regarde, on en parlait hier en Russie, le concours de la plus grosse, le pote qui oui. Met un coup de hache sur le sexe de l'autre, quoi. Mais attends, quand même, t'imagines avoir l'idée de coller la main et la teub ensemble, c'est grave, quoi. Ouais, faut être quand même sacrément sadique, hein. Celui-là aussi, je sais que vous le connaissez, Anso, surtout, l'hamster dans l'anus. Ah oui, ça je le connais, il est magnifique. Alors, est-ce que tu crois que c'est vrai? Non, je crois pas que ce soit vrai, non. Mmh. Déjà, j'espère que c'est pas vrai, parce que je suis une fervente défenseuse des animaux. Oui. Alors, ça s'est passé aux États-Unis et c'est deux homosexuels, en fait, qui auraient eu une relation sexuelle particulière. En gros, l'un d'eux avait un désir de zoophilie, ce qui est complètement interdit. Hein. Et du coup, il voulait que son compagnon lui mette un hamster dans l'anus. Alors, la suite est encore plus folle, parce que du coup, les deux ont décidé, à l'aide d'une bougie, de mettre le feu au cochon d'Inde pour le faire sortir, parce qu'ils n'arrivaient plus à le faire sortir. C'est horrible, il a explosé à l'intérieur de l'anus. Après, il me semble que c'est impossible. C'est-à-dire que tu vois la taille d'un hamster, tu vois la taille d'un anus... Tu peux pas dilater l'anus pour que le hamster se fasse un chemin comme dans une trachée ou... Comme une tranchée, je sais pas. Légende urbaine sexuelle ou pas, dites-nous, hashtag le night show. Enfin, c'est bizarre, je vous imagine pas tweeter là-dessus, t'imagines? Tous tes potes voient. Moi, je pense que l'histoire du hamster dans l'anus, c'est fake, les gars, tu vois. Faites attention, mais dites-nous quand même ce que vous pensez là, hashtag le night show. Et puis 01 42 48 5000, si vous connaissez des légendes urbaines sexuelles, si vous avez entendu des histoires un peu particulières, vous savez pas si vous devez y croire ou pas. Et ben, venez nous les raconter parce que nous, on aime bien ça. Ah oui, moi, j'ai envie de savoir. T'en as en plus, toi, hein? J'en ai quelques-unes, ouais. Et ben, trouve-en parce que je sens que t'es en galère. Allez, on revient tout de suite sur Fun. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Attention, les amis, c'est notre moment Tug Life. Bonjour, Julie. Et ben, moi, j'ai mangé des princes sans passer par l'ouverture facile. Tug Life. Bravo. Kevin, il est à Metz, il a 28 ans. Salut Kevin. Thug Life habitait à Metz. Oh là. Alors, moi, j'étais dans les toilettes d'une station alors que c'est marqué acte interdit au public. Bien, je suis allé faire mes courses au Simpli Market à côté de chez moi, tu sais. Je suis passé à la caisse moins de 10 articles. Ouais. J'en avais 13. Oh. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Emmenez Fun Radio partout avec vous avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Et Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. For to take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah. Oh yeah. you're searching around. I can't do this anymore, so give me your love. C'est du dimanche au jeudi, 22h minuit, sur Fun Radio. Et gros dossier ce soir puisqu'on parle légendes urbaines sexuelles, je vous ai fait les plus grosses. Vous hallucinez sur Twitter, certains disent que c'est vrai, d'autres fake. On ne sait pas, on saura jamais, c'est le principe d'une légende urbaine. Mais alors en revanche, moi je vous parlais d'une légende urbaine tout à l'heure, oui. En disant que il paraît qu'en soufflant dans le vagin très fort, il y avait des risques de mort. Et ben c'est absolument vrai. Je suis allée voir sur des sites et ça s'appelle l'aéroembolisme fatal, qui est en fait des bulles d'air qui rencontrent le flux sanguin et qui tuent les gens. Donc bon, en même temps, je ne sais pas qui aurait eu l'idée de souffler dans le vagin de quelqu'un. Mais grave. Mais en tout cas, ne le faites pas ou enfin ne le faites jamais parce que ça tue des gens. Mais je vais avoir peur moi maintenant qu'on me fasse ça. Mais personne t'a jamais soufflé dedans, enfin. Non, mais enfin bon, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, hein. Mais enfin, ça n'a aucun sens. Moi, j'avais entendu un truc. Vous allez me dire si vous y croyez ou pas. Il paraît que quand tu fais l'amour dans l'eau, tu peux rester bloqué. Ouais. Mais si, c'est vrai, ça. Hein, c'est vrai. Et il y a des couples qui ont dû aller aux urgences et tout pour se faire débloquer. Un peu, c'est l'effet d'une ventouse, quoi. Tu peux plus bouger. Alors, je sais pas si c'est vrai. J'ai jamais entendu de gens qui l'avaient fait, mais il me semble que c'est vrai. Oui, Yannick est au standard. C'est comme cette femme qui a fait avec le chien, en fait. Quoi ? Donc, un chien, et le chien est resté bloqué. Elle a dû aller aux urgences. Oui, mais parce que le sexe du chien remonte. Oui, alors attendez, c'est complètement interdit, hein. Ça s'appelle de la zoophilie. C'est qui cette folle? Bien sûr que c'est interdit. Je sais pas, je la connais pas. Mais en fait, les animaux, quand ils copulent, comme c'est pas avec nous, la chienne est consentante, mais enfin, elle est pas aussi consentante que nous. Et donc, du coup, pour que le sperme arrive bien dans la chienne, eh ben, le sexe remonte un petit peu pour faire comme une espèce de petit crochet jusqu'à ce que la fécondation se fasse. Enfin, en tout cas, que le. Mais attends, excusez-moi, mais comment c'est possible, physiquement parlant, qu'une femme copule avec un chien? J'arrive même pas à imaginer la scène. Moi non plus, mais j'ai pas envie d'ailleurs. Mais c'est dégueulasse, franchement, faites-vous soigner quoi. Ouais, ah, ça m'énerve. Moi aussi. Les animaux, franchement, faut pas y toucher, moi c'est ma corde sensible. J'aime pas. Peut-être que le chien a pris son pied aussi. Arrête. Non, Anso. Ça va. Non. Bon, en tout cas, vous avez pas mal de légendes urbaines du sexe, et ça nous plaît bien. Il y a Vincent d'Avignon qui nous a appelé. Bonsoir Vincent. Salut les filles. Ça va Vincent? Ça va, ça va. Alors dis-nous, est-ce que t'as entendu une légende un peu bizarre, toi? Alors moi, c'est un collègue qui travaille dans un hôtel qui m'a raconté ça. Donc il travaillait de nuit vers... Donc il attaquait son service à 22h, vers 22h10, vers 22h10, 22h15. Il y a un garçon qui arrive, qui prend une chambre, et toute la nuit, ça aurait été une orgie sexuelle, mais avec que des hommes. Oh, arrête! Pareil que les tableaux, il y a des tableaux dans les couloirs qui sont tombés, tellement c'était du bordel. Il parlait qu'il y avait entre 40 et 50 mecs qui sont passés toute la nuit. Hein. Ah ouais. Mais non. Ah ouais. Et alors, t'y crois ou pas? J'ai un peu de mal à y croire quand même. Bah ouais, mais aussi. Bon. Après, mais bon, les gens sont tellement tordus que ça peut être possible aussi. Mais... Bah, en tout cas, techniquement, c'est pas impossible. Hein. Ah bah non, une orgie, ça arrive souvent. Bah oui, enfin, je sais pas, dans ta vie peut-être. Mais si, non, mais pas dans ma vie, mais je veux dire, c'est pas la première fois qu'on entend une histoire d'orgie. Je veux dire, il y a plein de gens qui aiment ça. Hein. Après, ça fait beaucoup quand même, hein. C'est oui, beaucoup de monde. Beaucoup. Hein. Ah, mais à Anso, par exemple, il y a une personne qu'on connaît en commun qui nous a parlé qu'il y a des croisières gays-sexuelles. Enfin, non, pas gays-sexuelles, ça se dit pas. Homosexuelles. Et... gays-sexuelles, donc. Ouais. Homosexuelles, et c'est une orgie sur la croisière, mais pendant 2-3 oui, semaines. Oui, parce que c'est le but du truc. Non, mais c'est pas ça. C'est que le but, c'est comme si t'organisais une croisière hétérosexuelle qu'avec des jeunes, c'est obligatoirement ça devient un peu une orgie, quoi. Bah, c'est un spring break, quoi. Bah oui, ouais, c'est un peu comme un spring break. Ouais, voilà. Si, kiffe. Bon, bah elle s'est fait sa petite croisière dans sa chambre d'hôtel, quoi. Non, c'est un mec qui a pris une chambre et toute la nuit, il y a des mecs qui ont défilé dans sa chambre. Ouais. Donc, il parle d'entre 40 et 50 mecs. D'accord. Bon, bah, il avait faim, quoi. Eh ben écoute, merci pour cette histoire sympathique. Ah mais c'est hard quand même. Moi personnellement, j'y crois sans trop y croire. Parce que bon, je sais quand même qu'il y a des gens qui sont tordus, qui aiment ça. Après bon... Toi par exemple, le nombre limite, ce serait combien? Avec des femmes? Ouais. Bah avec qui tu veux? Avec des femmes, je sais pas, 10-15, ah, je sais quand pas même. Non plus. Ah quand même, mais Vincent, 10-15 meufs, c'est du taf, hein. Ah ouais. Ah oui, mais bon, tu sais, il faut satisfaire les dames quand même. Ah d'accord, bah écoute, pourquoi pas, c'est ton fantasme, on respecte. Écoute, ma foi, plaisir groupé. Hein. Merci de nous avoir appelé, Bichon. Il n'y a pas de souci, des bisous, bonne soirée les filles. À bientôt. Bisous, Vincent, salut. À bientôt. Bisous. Je vous en ai chopé une autre, l'équipe, elle est géniale. Écoutez, vous allez me dire si vous y croyez ou pas. Vas-y. Un jour, une femme décide, avec quelques copines, de se rendre dans un club de stripteaseurs. Donc la soirée se passe très bien. Ouais. L'un des hommes se déshabille et balance son cache-sexe, hein, tu sais, les fameux cache-sexe, ouais, sur la femme en question. Jusqu'ici, tout va bien. Problème, le lendemain matin, la femme avait très mal à l'oreille. Du coup, elle est allée voir l'ORL. Et là, le verdict est tombé. Son oreille était infestée de morpions. A priori, ceci était présent sur le sexe du stripteaseur et donc ils auraient été transmis via le cache-sexe. Mais n'importe quoi. Eh ben écoute, si, il paraît que c'est vrai. Non mais n'importe quoi. Mais à quel moment on peut croire? Mais je suis désolée, c'est hyper contagieux les morpions, Anne-So. Mais d'accord, dans l'oreille donc. Bah oui, s'il y en avait sur le slip qu'elle a reçu sur le visage, c'est tout à fait possible qu'il soit rentré dans l'oreille. Non mais n'importe quoi quand même. Bah enfin, moi j'y crois. Bah, j'imagine bien que quand tu fais des métiers comme ça, qui sont un peu sur la sexualité et tout, tu fais attention. Bah, ils ont des problèmes comme tout le monde, je suis désolée. Est-ce que tu crois vraiment que tu vas te mettre en arrêt si t'as des morpions? Bah non, mais. Bah alors? Tu jettes pas ton cache-sexe du coup? Bah c'est son métier. Voyons. Bah, écoute, je sais pas, moi j'ai envie d'y croire. Voilà. Bah écoute, crois-y petite femme, naïve. Il y a Jean-Luc à Bordeaux qui est avec nous. Bonsoir JL. Salut les filles. Ça va Jean-Luc? Ouais, et vous? Tranquille? Bah très bien. Dis-nous tout. Alors, moi, j'ai un pote énorme, quand même, parce que, il est marié, il a un gosse et tout, et la femme, elle n'a pas forcément le temps de faire un ménage, donc ils ont embauché une femme de ménage. Mmh. Et un jour, il est rentré, plutôt que prévu, et puis il l'a chopé, en fait, la femme de ménage, en train de s'enfiler le manche de la serpillière. Ah oui. Ah non, arrête tes conneries, mais ça c'est le fantasme de tout le monde. Ça c'est clairement un scénario de film de cul, quoi. Ouais. Bah écoute, ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'en fait je l'ai embauché, pour voir si c'était vrai. Et puis du coup, non, enfin, c'est rien passé. Du coup, pour le moment, il n'y a rien. Je l'ai pas embauché, mais bon, d'accord. C'est vrai que c'est bon, c'est énorme comme histoire, parce que bon, là. Mais Jean-Luc, moi j'ai déjà entendu cette histoire avec. La gotte du le gotte du mec ou de la nana ou l'aspirateur ou après pourquoi pas, il y a des femmes de ménage certainement qui ont une très grosse libido et qui peuvent se laisser aller, on sait jamais. Oui, mais enfin tu fais pas ça chez tes clients. Bah je sais pas. Bah, il y a pas d'endroit en fait hein. Il y a pas d'endroit spécifique pour le faire quoi. En fait, c'est un délire, je veux dire, tu vois par exemple, nous, on aime bien le faire sur le lieu de travail de temps en temps, enfin moi ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé mais enfin bon, pour te dire, je l'ai fait une fois dans ma vie, tu vois. Bah elle, son lieu de travail c'est où? Bah c'est chez les gens. Oui, mais à la limite t'aimes bien le faire sur ton lieu de travail avec un collègue ou avec un truc comme ça. Bah mais oui, pas mais avec un manche à balai. Ses collègues c'est qui? Bah c'est les balais. Donc, elle a pas le choix. Moi je trouve que pourquoi pas, s'ils ont les mêmes envies que nous, moi je dis. Donc tu veux dire que les cuisinières, ses collègues de travail, c'est quoi? Les courgettes? Bah non, hop. Parce que du coup, là, c'est du travail d'équipe. T'as des commis, tout ça. La femme de ménage, en général, travaille seule. Ouais, c'est vrai. Bon, j'sais pas d'accord. Bon, bah Jean-Luc, ouais. Marion y croit encore. Bah écoute, c'est cool, là. On sait jamais. On t'embrasse. Bisous. Allez, bisous les filles. Y a Thibaut. Alors lui, Thibaut, il a une légende urbaine, mais ça, je sais que c'est faux. Et je suis pas contente. Dis-la. Mais non, mais j'ai toujours entendu ça, mais... On m'a toujours dit, genre, que toutes les rousses sentaient mauvais des parties intimes. Non, mais non. N'importe quoi. Ça, c'est le gros cliché, c'est pas vrai du tout. Alors, est-ce que quelqu'un dans cette équipe est déjà sorti avec une rousse et peut attester? Alors qu'en plus, les rousses, elles sont tout le temps super jolies, généralement, elles sont belles, quoi. C'est vrai. Personne c'est sorti qui avec tout double, hein. Enzo. Mais non, mais... Moi, je suis déjà sorti avec une rousse de secours. Oh, c'est toi. C'est marrant quand même. Ouais, je l'apprends. Ouais, bah écoute, on peut pas vérifier, mais moi, j'y crois pas du moi, tout. Moi, j'ai déjà eu une. Enfin, j'ai des potes rousses. Mais elle pue pas, non? Mais c'est pas ça, t'as pas senti leur partie intime. Là, la légende urbaine, c'est que leur partie intime mais sentirait. Non. Mais c'est faux. C'est évidemment, il y a des brunes et des blondes qui puent aussi. Mais bien sûr. Ouais. Enfin, voilà. Donc on est avec vous, les rousses, on n'y croit pas. Team rousse. Voilà. Amandine de Lens a une légende urbaine. Bonsoir, Amandine. Salut les filles. Ça va, Amandine? Ça va, et vous? Ouais. Bah ouais, très bien. Dis-nous, c'est quoi ta légende? Alors, moi, j'ai eu une amie qui m'a raconté s'être une 5 saucisses avec de la mayo dans le vagin. Quoi? Et son mec les aurait mangées en style, tu vois, style hot dog. Mais d'accord? Non. En lui faisant un cunis. C'est dégueulasse. Après, les délires de bouffe, ça, je peux y croire, hein, parce que franchement, tout le monde a déjà fait ça, quoi. Non, mais d'accord, mais tu rajoutes pas la sauce Non mais déjà, non. C'est-à-dire que personne n'a fait des choses. Non, c'est vrai. Des délires de bouffe, c'est-à-dire que tu peux t'éclater avec ton mec avec du miel, de la chantilly, enfin des trucs classiques. Mais alors tout ce qui est saucisse, bœuf bourguignon ou choucroute, on oublie quoi. Ouais, c'est pas glamour, mais quand t'es très à l'aise avec un mec, je sais pas, il y a que des knackis dans le frigo. Tu te tapes en délire, ça peut arriver. Bah non, quand t'es très à l'aise avec un mec, il y a que des knackis, t'attends d'acheter de la mayo. La chantilly. Bah, je sais pas, moi je me dis, faut innover, pourquoi pas, je peux y croire à celle-là. Non, mais tu crois vraiment à tout, t'es vraiment un peu de berné, quoi. Bah, moi, je sais qu'on a tellement tout entendu dans cette émission et je sais que les gens parfois peuvent aller très loin. Et ça va, des saucisses à la mayo, bon, dans le chouchou, il y a pire. Non, puis au-delà de mettre dans le vagin, c'est que c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Saucisses avec de la mayo. Oh non. Bah, si, avec de la moutarde à la limite. Bah, là, ça fait mal, chérie. Amandine, c'était une copine à toi qui a fait ça? Oui. D'accord. Ah, donc, tu la connais vraiment, donc c'est pas une légende urbaine. Je la connais, mais voilà, je doute quand même un peu du truc. Ouais, je sais pas trop, tu vois, j'arrive pas à visualiser le truc, en fait. Après, je te cache pas, Amandine, que si je me tape un délire comme ça avec un mec un jour, je le crie pas sur tous les toits. Hein. Oui, c'est sûr. Hein? Bah, si, oui, après, à moi, tu le dirais. Ah oui, à toi, je te le dis. Bah, voilà. Bon, on vous le dira la prochaine fois que je le ferai. On t'embrasse, Amandine. Bisous, ciao. Bisous, ma belle. Bisous, on va accueillir Adrien Thomas dans ce studio pour Party Fun. Bonsoir, Adrien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça va, petit homme? Ça va et vous-même? Vous avez l'air en pleine forme. Écoute, on est bien. On était en train de parler des légendes urbaines sexuelles. Tu sais, toutes ces histoires qu'on a entendues au moins une fois et qui sont improbables. T'en connais pas une, toi? Moi, j'ai juste alors, légende urbaine ou pas, de la taille du sexe avec les mains comme ça. Il paraît, oui, que la taille des doigts serait proportionnelle à la taille du sexe. Voilà. Ouais. Mais alors, ça n'a aucun sens parce que les meufs commencent. Non, mais pour les mecs, non, évidemment. Pour les mecs. Et du coup, le géant qu'on a reçu il y a deux jours. Hein. Ah, bah oui. Ah, bah je te laisse imaginer. Waouh. Mais ça, je crois que c'est vrai, un peu vrai, mais c'est pas non plus très précis, alors, quoi. Oui, est-ce qu'on peut m'éclairer là-dessus? Parce que moi, du coup. Vas-y, fais. Enfin, fais voir tes mains, toi. Non, je vais gêner tout le monde. Arrêtez. Alors, tous les garçons de l'équipe, levez la main. Ah ouais. Eh, Enzo, c'est chaud, t'as des petites mains? Non, mais Amir, il a des grandes mains. Ouais, moi j'ai des petites mains. Ah ouais, j'ai des grandes mains, moi. Mais regarde, Yannick aussi, grandes mains. Et petites bites. Voilà. Donc, c'est bien une légende urbaine. Bon, Adrien, on va te laisser pour Party Fun. Ouais. Nous, on va se retrouver demain soir en direct. Et notre invité, c'est qui? Tout le monde en cœur? Alex Ayono! Il n'y a que Enzo qui suit. Vous êtes pourris, les gars. J'allais dire Tal. Mais franchement, non, c'est nul. C'est Alex Ayono qui sera là. Si vous avez des questions, Marion et Anne sort au funradio.fr. Et effectivement, Amir, lundi, ce sera qui? Tal. Et la Talouche. Elle est tellement belle. Ouais. Toujours la même adresse mail pour pouvoir lui parler. C'est promis, on leur réserve de grosses surprises. Et je vous cache pas, je vous le dis pas maintenant, mais on a un très gros inter qui vient aussi. Oui. Un artiste de malade, ce sera dans les prochains jours dans le Night Show. Toutes les vidéos à retrouver là sur la chaîne YouTube. Il y a celle de Kev qui cartonne la rencontre entre Kev Adams et le géant. Et ben, c'était dans le Night Show, les gars, c'était juste énorme. Et demain matin, c'est Bruno qui vous réveille. Est-ce qu'on finirait pas en chanson? Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là! Merci beaucoup! Bah, c'est une bonne soirée, moi! P-A-R-T-Y-F-F-U-N P-A-R-T Y-F-U-N P-A-R-T-Y-F-U-N P-A-R-T-Y-F-U-N P-A-R-T-Y-F-U-N Party Fun. Welcome to the biggest club in France. Et est-ce qu'on démarrerait pas l'émission ce soir avec une exclue, mais genre mondiale? Ah si! Genre un truc qui est pas sorti. Ah vas-y. Genre un truc, le nouveau Chainsmokers, quoi. Non, tu l'as pas. Ça s'appelle énorme. Mais non. All We Know. Bah si, regarde. Je l'ai. Tu sais que je suis fan de Chainsmokers. Oh, la chance. Eh ben ouais, je l'ai pour vous, ce nouveau morceau, ce soir, en totale exclusivité. Et donc, je suis comme ça. Moi, j'ai applaudi tout seul, moi. Mais vous remarquez que la boucle est parfaite ce soir. Ouais. Voilà. La guitare, attention, voilà. Ah ouais. Non mais bon, j'ai pris un peu des cours et du coup voilà, ça a mieux. En même temps, c'est ton métier, non? Ah oui, c'est vrai. On va écouter aussi Martin Garrix ce soir, Orlinski, Sound of Legend et puis donc le nouveau Chainsmokers, exclu mondial sur Fun Radio. Ah, il est bon. Merci, bisous. Fighting flames of fire, hang on to burning wires, we don't care. colors. Maybe we should let this go. We've fallen apart, still we hold together. We pass the end, still we chase forever. Guess this is all we know. Party Fun. Party Fun. Avec Adrien Thomas sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Jusqu'à une heure. C'est Party Fun sur Fun Radio.